إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع كتاب شرح العقيدة الوسيطية للشيخ شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وشرح شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. On avait dit que la première bid'a qui avait vu le jour, c'était celle des Khawarij. C'était celle des Khawarij. On avait parlé de ça avec beaucoup de détails. Ensuite, on a dit qu'il y a eu la deuxième bid'a et que c'était celle des Qadariya. Les Qadariya, bien sûr, ce sont ceux qui disent que tout ce qui se passe ici sur Terre n'était pas écrit sur le tableau préservé, n'était pas sur l'Lawh al-Mahfouz. C'est nous qui le faisons. Il n'est pas écrit. Et d'autres, des roulettes, certains exagérateurs disent que même Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on le fait. Avant de le faire, il ne sait pas qu'on allait le faire, etc. Oulayyadu billah. Ensuite, on a parlé de l'Irja. On a dit, c'est qu'il y a une secte qui s'appelle Murji'a. Une Murji'a qui dit que l'Iman, c'est seulement dans le cœur et on dit seulement avec sa langue. On dit Shadoun la ilaha illallah, Shadoun Muhammad Abduhu Rasulou. Et maintenant, si tu dis cela, khalas, tu es croyant. Que tu fasses tous les péchés du monde, ou tu ne fasses aucun devoir ou aucune obligation, tu es toujours croyante, car la croyance, elle est dans le cœur, tu l'as dit avec la langue. La croyance ne grandit pas, ne faiblit pas. Ensuite, après cela, on avait dit que sont venus les Mu'tazila. Les Mu'tazila qui disent que celui qui fait un péché, un grand péché, il n'est ni croyant ni kafir. Il est au milieu. On ne peut pas dire de lui c'est un croyant parce qu'il a fait par exemple quoi? Par exemple, il a fait le vol. Il a volé. Bien, il a bu l'alcool. Celui-là, on ne peut pas dire c'est un croyant d'après eux. Et en même temps, on ne peut pas dire que c'est un kafir. Mais l'essentiel, c'est que quand il mourra, il ira en enfer éternellement. Il ne sortira pas de l'enfer. Et c'est pour ça que les Khawarij, la première bida, les Kharijites, disent celui qui fait un péché, celui qui fait un péché, un grand péché, il va aussi en enfer, il ne sortira plus. Mais ceux-là, ils disent c'est un kafir. C'est un kafir, directement c'est un kafir. C'est pour ça que la différence entre les Khawarij et les Mu'tazilites, ils se ressemblent en un point. Lequel? Quiconque fait un grand péché, il ne sort pas de l'enfer. Et ensuite, ils se dispersent en un point. Lequel? Pour les Khawarij, c'est un kafir. Pour les autres, il est au milieu. Ni kafir, ni muslim. Ensuite, est venue la bid'a. Je ne sais pas si on est arrivé là ou on n'est pas arrivé. Ensuite est venue la bid'a de qui? La bid'a des Jahmiya, les Jahmites. Ceux-là, yani, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que ceux-là, yani, c'est pas comme les autres ont parlé, où est-ce qu'il va celui-là en enfer, ou là, est-ce qu'il va aller au paradis, ou là. Mais ils ont parlé sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur son essence. Et ils ont dit que, et son entité, ils ont dit des choses sur lui qu'il n'a pas de nom, pardon, qu'il n'avait pas de ses fêtes. Il avait seulement des noms. L'Azawjil, c'est lui le clairvoyant, c'est lui l'audient et ça, mais il n'a pas lui, et il ne voit pas, et ainsi de suite. Alim, alim, min ghayri ilm. Qadir min ghayri qudra. Sami' min ghayri sam'. Yani, on atteste les noms, et on dit qu'il n'a pas d'attribut. Yusbitun asma wa yinfoun sifat. Rayyadu billah. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné le résumé, ou là je vous le donne encore une fois. en ce qui concerne l'iman, en ce qui concerne l'iman, il y a ceux qui disent il est seulement dans le cœur, il y en a qui disent il est dans le cœur et sur la langue, il y en a qui disent il est sur la langue seulement, il y en a qui disent il est dans le cœur, la langue et plus les actions qu'on fait. Ceux qui disent il est seulement dans le cœur, c'est les Jahmites et les Asha'ira. Ils disent il est seulement dans le cœur. La différence entre les deux, les Jahmites disent, c'est la connaissance d'Allah. Tu connais Allah, ça te suffit. Tu connais seulement qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, ça te suffit. Et les Asha'ira, on dit quoi? On dit c'est tasdir, c'est l'attestation. Tu attestes avec ton cœur. Il y a une différence entre connaître et attester. Ils ont dit, nous on dit attester, ce n'est pas seulement connaître. Les Jahmites connaître, l'Asha'ira attester, tasdir, croire qu'il y a Allah, croire, on croit. Donc, ce qu'on dit, c'est seulement le cœur. Ensuite, il y a une secte qui a dit, c'est seulement la langue. Tu dis avec ta langue, ça suffit. Ça s'appelle Karamiya. Tu dis avec ta langue, shahadu la ilaha illallah, shahadu muhammad abdu rasulu, khalas. Même si tu ne fais rien, tu ne fais aucune obligation, tu fais n'importe quoi, tu es toujours croyant. Ensuite, il y a ceux qui ont dit, c'est le cœur plus la langue. Tu attestes et crois avec ton cœur et tu dis avec ta langue, ça s'appelle Murji'a. Murji'a, qui disent que yani, les actions n'ont pas une grande valeur, les actions. Parce que la croyance ne grandit pas, ne s'affaiblit pas. Ils disent que quiconque atteste dans son cœur qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala et dit avec sa langue, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu Muhammad abdu rasulu, ça y est, c'est un croyant. Il a la même croyance que Jibril et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Abu Bakr wa Omar et Uthman. La croyance est toujours la même. Pourquoi? Tu as attesté avec ton cœur, tu as dit avec ta langue. Toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril et les autres, vous avez le même niveau de croyance. Comme ça ils disent. Ensuite, il y a qui? Il y a Al-Khawarij et Mu'tazila qui disent, l'iman, c'est quelque chose dans le cœur. Ensuite, quelque chose sur la langue. Ensuite, il y a les actions. Les trois. Donc, ces deux sectes, Khawarij et Mu'tazila, en ce qui concerne la foi et la croyance, ils ressemblent à Al-Sunnah. Parce qu'Al-Sunnah, disent le cœur, la langue et les actions, la prière, etc. Al-Hajj. Mais, pour se différencier des deux sectes, ils disent cœur, langue, action, plus l'iman, la foi grandit et faiblit. Grandit avec lorsqu'on fait les adorations et faiblit lorsqu'on fait les péchés. Tandis que les deux sectes Hadou, Khawarij Mu'tazila, disent non. Seulement cœur, langue et action. Je cherche pas à grandir, ou là, d'ailleurs, ils disent, il n'y a même pas de dalil qui grandit, qui faiblit. Et nous, bien sûr, on a des dalils qui grandit et qui faiblit. L'Azhar n'a-t-il pas dit dans le Coran, yizdad alladhina amanu imanan. Il a dit pour que les croyants, yani, leur iman, leur croyance grandisse. Yizdad alladhina amanu iman. Et il y a des dalils. Quand il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la femme, il a dit, naqisatu din wa aql. Il a dit, naqisatu din. Il a dit, son din est naqs. Et faible. C'est pas faible. On dirait, il est manquant, hein. Son din. Et n'est pas parfait par rapport à celui de l'homme, en ce sens que, elle reste une semaine, par exemple, chaque mois, elle fait pas la prière. Mais une semaine par mois, le ramadan, elle fait pas une semaine de karam. En ce sens, diminue. En ce sens, sa religion est diminuée par rapport à celle de l'homme. Ensuite, je crois qu'on s'était arrêté là. Wallahu ta'ala alam. Je crois qu'on s'était arrêté là. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, on est toujours dans l'introduction, bien sûr. On est toujours dans l'introduction et dans la préface. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a dit, walakin walillahi alhamd, il a dit, alhamdulillah, ma ftada'a ahadun bid'atan illa qayyadallahu lahu, bimannihi wa karamihi, man yubayyinu hadhihi albid'ata, wa yudkhiduha bilhaq. وهذا مدلول قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شيخ بن عثيمين عليه رحمة الله دي من الحمد لله كل عز وجل الشك وكل يا البدعة من بدعة كي فوا لو جور الله عز وجل توجور لو شوازي كالكا pour a annulé cette bid'a pour montrer aux gens que, qu'elle n'est pas vraie et pour éloigner cette bid'a, alhamdoulillah. Comme l'Azul a dit dans le Coran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et la Sunna, dhikr, le Coran et la Sunna. Il a dit, et beaucoup disent c'est le Coran, il a dit c'est nous qui allons le protéger. Et comment qu'il va le protéger? En montrant aux gens, en faisant de sorte qu'ils aident, il aide certains gens qui deviennent de grands ulama, de grands savants, et ces savants montrent aux gens que telle chose et telle chose est bid'a. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhmatullah, veut parler bien sûr de Ibn Taymiyyah ici. Il veut dire, mais alhamdoulillah, qu'il y a maintenant ce livre, Ibn Taymiyyah, que Allah Azza wa Jalla a choisi pour, a fait de lui un grand savant, pour montrer aux gens, la vérité du, la sunna de la bid'a. Et il y a dans ce sens un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans Sahih Abi Daoud. Il a le numéro 4291. Il a le numéro 4291. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma. Allah azza wa jal envoie à cette nation, ala ra'si kulli mi'ati sana. Tous les 100 ans. Tous les 100 ans, Allah azza wa jal envoie à cette nation, man yujaddidu la hadina. Quelqu'un qui va, revivier, faire de nouveaux vivres, faire de renouveler. Tous les 100 ans, Allah azza wa jal envoie quelqu'un qui renouvelle la religion aux gens. Alhamdulillah, d'afadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les 100 ans, Allah azza wa jal nous envoie quelqu'un pour revivifier la religion, alhamdulillah. Donc, on risque pas de devenir égaré, car tous les 100 ans, Allah azza wa jal nous envoie quelqu'un pour nous montrer la religion et corriger les fautes, etc. Et bien sûr, ce sont les grands ulamas. Ensuite, il a commencé le livre. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit Wal bada'atu, on dit bada'a, on dit buda'a. Wal bada'atu bil basmala hiya sha'nu jami' al mu'allifin. Cheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La plupart de ceux qui ont écrit des livres, surtout en islam, commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est comme ça que font les ulama. Il n'y a pas un alim qui peut-être ne commence pas son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit, اقتداءً بكتاب الله حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة. Il a dit, pourquoi on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? On fait comme il y a dans le Coran. Puisque Allah Azza wa Jal, chaque nouvelle sourate, il la commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez remarqué, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل هو الله أحد, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل أعوذ برب الفلق, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل أعوذ برب الناس, et ainsi de suite. Donc il a dit, nous on commence les livres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on fait comme Allah Azza wa Jal a fait dans le Coran. Ensuite, واستنادًا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a dit, et aussi, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait écrire une lettre à quelqu'un, ou là un roi, ou là pour lui parler de l'islam, ou là, il commençait toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première phrase, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ensuite, min Muhammadin ibn Abdillah ila X, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à X, assalamu ala min taba' al-huda, ensuite, hada kitabun kada wa kada. Donc on commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il a parlé de son analyse. Comment on va analyser Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Il a dit il y a une divergence entre les ulama, comment analyser Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tellement c'est vaste en arabe. Il a dit, mais la meilleure des choses, c'est de dire qu'il y a un sous-entendu. Dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a un sous-entendu. Fayakoun taqdir, un sous-entendu muta'akhir, on sous-entend dans la phrase, on sous-entend quelque chose qui vient à la fin. Il a dit, par exemple, si tu vas manger, tu dis Bismillah. Avant de manger, tu dis Bismillah. Bismillah, c'est au nom de Allah. Hein? Bismillah, au nom d'Allah. Maintenant, avant de manger, tu dis Bismillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Bismillah, je mange. Le « je mange », il est sous-entendu. On ne l'a pas dit, mais c'est ça ce que ça veut dire. Pourquoi? Juste avant de manger, tu as dit Bismillah. Ça veut dire, au nom d'Allah, je vais manger. Mais on ne dit pas je mange, on dit seulement Bismillah. Avant de prendre un livre, tu dis Bismillah. Ça veut dire, Bismillah, je vais lire. Au nom d'Allah, je vais lire. Avant de conduire la voiture, tu dis Bismillah. Ça veut dire, Bismillah, au nom d'Allah, je vais conduire. C'est pour ça qu'on commence par Bismillah. Ensuite, pourquoi on a commencé par Bismillah? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, je mange Bismillah, je mange au nom d'Allah, je bois au nom d'Allah, je conduis au nom d'Allah? Pourquoi on commence par au nom d'Allah, je conduis, au nom d'Allah, je mange? Pourquoi on commence ainsi? Les ulama ont dit ici, il y a deux avantages. Le premier, c'est pour la baraka. La baraka, on commence d'abord par le nom d'Allah, Bismillah, ensuite on dit ce qu'on veut faire. On commence pas par ce qu'on veut faire, ensuite on laisse le mot Allah, subhanahu wa ta'ala, de son nom, on le laisse en dernier. On commence par lui, pour la baraka. Tu dis Bismillah, ensuite tu sous-entends ce que tu veux, d'après les choses que tu vas faire. Et la deuxième, il a dit, car quand on commence par Bismillah, et ensuite vient le verbe, il y a ce qu'on appelle en arabe, ça s'appelle al-hasr. Ça veut dire que, si tu dis par exemple, Bismillah, et tu veux dire je mange, ça veut dire seulement au nom d'Allah je mange. Je ne mange pas au nom d'un autre. Je ne mange pas au nom du soleil ou là au nom de la statue ou là au nom de quelque chose. Seulement au nom d'Allah je mange. Ça veut dire, ça s'appelle al-hasr. Al-hasr en arabe, ça veut dire, tu veux dire qu'il n'y a que cette chose ou pour cette chose ou pour ce nom je fais cela. Mais si tu avais dit par exemple je mange au nom d'Allah, ça veut dire là tu es en train de parler du manger et non pas tu es en train de parler du nom d'Allah. C'est comme si tu voulais dire je mange au nom d'Allah et non pas je dors, je mange au nom d'Allah. Mais quand tu dis au nom d'Allah je mange, tu es en train de parler du nom, de quel nom, de quel nom tu vas manger. Et ce n'est pas du verbe manger. C'est à peu près pour que vous compreniez un peu cela, en arabe c'est très facile, en français c'est un peu difficile. C'est comme par exemple tu dis, si tu dis par exemple Omar a mangé la pomme. Omar a mangé la pomme. Ici, tu veux parler des noms et des prénoms. Tu veux pas parler de quelle chose a été mangée. La pomme, là, les raisins, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse, c'est quel prénom, c'est quel nom qui a mangé, quelle personne. Tu dis Omar a mangé. Omar a mangé la pomme. C'est pas Ali, c'est pas Farid, c'est pas un autre. C'est pas Abdelkader, c'est Omar a mangé la pomme. Je suis en train de parler de celui qui a mangé, du mangeur. Maintenant, si tu dis la pomme a été mangée par Omar, la pomme a été mangée par Omar, tu n'es pas en train de parler des personnes, qui est-ce qui a mangé la pomme. Tu es en train de parler de quelle est la chose qui a été mangée. Tu dis, la pomme a été mangée par Omar. C'est pas les raisins, c'est pas les fraises. C'est la pomme, je parle de la pomme. Elle a été mangée. C'est pas, ça m'intéresse pas Omar ou la Ali. C'est la pomme a été mangée par Omar. Je vous parle de la pomme. Maintenant, c'est la même chose. Quand tu dis, Bismillah, akul, Bismillah, je dors, ça veut dire au nom d'Allah. Pas d'un autre. Mais si tu avais dit, je dors au nom d'Allah, je mange au nom d'Allah, ça veut dire que tu es en train de parler de ce que tu fais. Je dors, je mange, je conduis au nom d'Allah. C'est pas très important. C'est pour ça qu'il est très important que tu dises le contraire. Tu commences par Bismillah, ensuite tu dis, je mange ou là je dors, etc. Ensuite il a dit, quand Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quand Cheikh Islam a dit Bismillah, il a dit, Allahu alamun ala nafsi Allah azza wa jalla la yusamma bi ghayruh. Allah, c'est un nom. C'est pas Dieu. C'est un nom. Comme nous on a des prénoms, Allah a beaucoup de noms, ça. Allah, c'est le plus beau. L'un de ses plus beaux noms, si c'est pas le plus beau. Tous les autres noms reviennent vers lui. Il s'appelle Allah. C'est un nom. C'est pour ça que personne n'a le droit de s'appeler Allah. Personne. On dit d'une chose, ça c'est un ilah. On dit d'une chose, cette statue, c'est un dieu pour cela, pour cette nation. Le soleil, c'est un dieu pour les bouddhistes, je ne sais pas qui. Mais on dit jamais, cette chose, c'est Allah. Jamais. Jamais. On dit, Allah, c'est un nom. C'est un nom propre pour lui. Et Allah, comme je vous l'ai dit, c'est un nom. C'est un nom propre. Ensuite, il a dit, Ar-Rahman, Bismillahi, Ar-Rahman, ensuite il a dit Ar-Rahim. Il a dit Ar-Rahman, d'où Ar-Rahma al-Wasi'a. D'où Ar-Rahma, je crois que Ar-Rahma en français, je crois, c'est la miséricorde. Wallahu alam. Ar-Rahma, واسعة. الله عز وجل دو quand on dit رحمة ça veut dire que il a une miséricorde et elle est واسعة. واسعة ça veut dire نعم la miséricorde. نعم الرحمة la miséricorde. Quand on exagère on dit يعني en français peut-être on dit miséricordieux. On veut exagérer dans la miséricorde, je ne sais pas s'il y a en français. On doit ajouter quelque chose, on doit dire très miséricordieux, ou quelque chose comme ça. En arabe, seulement tu ajoutes N, Alif ou Nun. C'était Rahma, ça devient Rahman. Donc c'est l'exagération dans la Rahma. Tellement Allah Azza wa Jal a beaucoup de Rahma. Comme on dit par exemple, Radban, Radban, ça veut dire quelqu'un de très très énervé. On dit ta'ban, très très fatigué. On dit sakran. On ne dit pas de quelqu'un qui a bu un verre, on dit jamais c'est un sakran. Et quand on dit sakran, on ajoute alif ou non, ça veut dire qu'il a beaucoup bu, il est sous. Sakran. C'est pour ça que rahma ici, on a ajouté an, rahman. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal a beaucoup de miséricorde. Et personne n'a le droit de s'appeler rahman. On dit Abdurrahman, mais on a le droit d'appeler quelqu'un Rahim, Rahim. Mais on n'a pas le droit de l'appeler Rahman. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un Rahman. On dit Abdurrahman, on peut l'appeler Rahim, c'est tout. Ensuite, il a dit, Bismillah Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, parce que Yarham, il est miséricordieux envers les gens. Et les ulama ont dit la différence entre Bismillah, entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ils ont dit, la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est quoi? C'est que Rahman, tellement il a de miséricorde, qu'elle touche même, sa miséricorde touche même les kuffars. Même les mécréants, Allah Azza wa Jal leur a fait descendre vers eux de la miséricorde. Non. Sinon, comment une femme qui est mécréante, qu'elle fait là, comment elle aime-t-elle son fils et elle a de la peine pour lui, etc. Ça c'est Rahma, c'est une Rahma que Allah Azza wa Jal a fait descendre de lui. Sinon, personne n'aurait aimé ou l'aurait tué son fils. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui a fait descendre Rahma, il la donne même au kuffar. Et c'est pourquoi que Rahim, Bismillah ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman, ar-Rahim, la Rahma, la miséricorde qui se trouve dans Rahim, ne se donne qu'aux croyants. Seulement aux croyants. Rahman, c'est pour tout le monde, toutes les créatures, même les animaux. Même les animaux, pas seulement, yani, pas seulement les kuffars. Toutes les créatures, Allah Azza wa Jal a fait et descendront vers eux, yani, de sa Rahma. Il est Rahman. Mais Rahim, il est seulement envers les croyants. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. » Ensuite, il a dit, « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. » وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Remarquez, il n'a pas dit « كَانَ بِالْكُفَّرِ. » Il a dit « وَكَانَ » et il était, ou là il est, « بِالْمُؤْمِنِينَ » en ce qui concerne les croyants, « رَحِيم. » Donc « رَحِيم » c'est seulement pour les croyants, « رَحْمَن » c'est pour tous les autres. Ensuite, il a dit, ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم. الشيخ a dit, et puisque la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les kuffars, elle n'est que dans cette vie. Il n'y a pas dans l'au-delà. C'est pour ça que c'est comme s'il n'avait pas de rahma. Maintenant, quand l'azur se descend de la rahma ici, ensuite, il n'y a rien le jour du jugement dernier, à quoi va servir cette rahma? À quoi ça sert? Ça va servir à manger, à dormir, à ramasser de l'argent. Ensuite, à quoi ça sert? Ensuite, tu meurs et il va aller éternellement en enfer. Donc, c'est comme s'il ne lui a rien donné. Mais là, il est juste. Adl. S'il ne donne pas ceci, le jour du jugement dernier, ils essaieront d'avoir des arguments contre lui. Mais là, il leur dira, non, je vous ai donné ici, non seulement de la rahma, mais je vous ai donné des choses que je n'ai même pas donné aux croyants. Je vous ai donné des choses que je n'ai même pas donné aux croyants. C'est pour ça que lorsqu'ils lui diront le jour du jugement dernier, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Oh Allah, fais-nous sortir de l'enfer. Si on fera encore la même chose que ce qu'on a fait, on est vraiment des injustes. Yani, on ne va pas faire ce qu'on a fait, la bécréance, etc. Allah Azza wa Jalla leur dira, اخسأوا فيها ولا تكلمون. Restez à l'intérieur de l'enfer et ne me parlez pas, ou là, ne me parlez plus. Ça, c'est juste avant d'être sourd, muet et aveugle. Parce que, à un certain moment, en enfer, Allah Azza wa Jalla va leur enlever la parole, lui et le regard. Ils seront à l'intérieur de l'enfer éternellement aveugle et sourd et muet, ou l'ayadou billah. Très, très, très, très, très grave. Donc, Allah Azza wa Jalla a donné ici au kuffar ceux dont il a privé beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants. Faites des statistiques et dites-moi combien il y a de par exemple, de richards entre musulmans et mécréants. Vous trouvez que les mécréants sont toujours les plus riches. Et ce sont eux qui vivent toujours mieux que les croyants, je dis mieux matériellement, pas dans le cœur. Pas dans le cœur, jamais. Matériellement. Ils ont tout, ils se suicident, entre parenthèses. Parce que dans le cœur, c'est la toile d'araignée. Ils n'ont rien dans le cœur. Seulement, il y a ni des maux, des chagrins, c'est pour ça qu'ils se suicident. Alhamdulillah, alladhi afana min dhalik. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Ne sois pas attiré par leurs biens et leurs enfants. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Mais Allah Azza wa Jalla veut, avec ses biens, avec ses enfants, leurs enfants, etc., il veut leur faire un supplice ici. عذاب, عذاب, نعم. Du matin au soir, il court seulement derrière l'argent. Du matin au soir, il pense seulement à ses enfants. Comment lui acheter ça, comment l'habiller, comment le prendre au médecin, comment cela, comment faire de lui un cadre, comment ceci, cela. Du matin au soir, il ne pense qu'à cela, comment ramasser beaucoup d'argent, comment bâtir, comment faire, acheter la dernière voiture. Il ne pense qu'à ça. Donc, il voudrait Allah Azza wa Jalla qu'il reste seulement à ne penser qu'à cela. Comme ça, quand il meurt, ils ne vont rien trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'ayadu billah. Même il y a plus grave que ça. Allah Azza wa Jalla, quand il a dit dans le Coran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Ça c'est un verset où Allah, quand je le lis moi, j'ai peur. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, ولا يحسبن الذين كفروا. C'est pas la peine que les mécréants croient que ce que je leur donne ici comme bien et comme argent, etc., que c'est pour leurs beaux yeux, comme on dit maintenant. On dit c'est pour tes beaux yeux. Mais il dit je leur donne cela pour qu'ils n'aient rien demain lorsqu'ils me rencontrent. Je leur donne cela, pourquoi? Pour qu'il n'ait rien demain lorsqu'il me rencontre. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, qui rappelle celui-là, dans le surat al-Mu'minun, si je me rappelle, il a dit, je l'ai oublié, il y a un autre verset qui ressemble à celui-là, dans le surat al-Mu'minun, où il est dit, je l'ai oublié, il ne me vient pas dans la tête. Il ressemble beaucoup à celui-là. C'est pour ça que je dis que Allah Azza wa Jalla nous a montré dans le Coran que quand on voit cela, on doit dire au contraire, on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah qui ne nous a pas donné au point où on ne pense plus au din, ni à la salat, ni à rien. Parce que quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas le temps de penser à la salat. Et on est très occupé, très très très occupé. Très occupé en train de compter l'argent, et passer l'argent, faire les comptes, etc., etc. On ne dort pas la nuit. Si tout juste, on fait un peu, deux, trois, quatre, on est bien. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous a éloigné de ces choses-là. Il nous a éloigné des choses-là. C'est pour ça que lorsqu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur diront, comme c'est dans le Coran, ils leur diront, il a dit dans le Coran, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. سبحان الله العظيم. الله عز وجل dit, et lorsqu'il les fera venir le jour du jugement dernier, il les mettra debout devant l'enfer, prêt à rentrer en enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur dira? أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. Vos plaisirs, vos tentations, ça, tous, vous l'avez fait dans votre vie. Alors, واستمتعتم بها. Vous avez, vous êtes assouvi question de tentation et de désir. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Je vous ai donné tout ce que vous voulez. Que l'yawma aujourd'hui, toute zone adab l'honi. Aujourd'hui, vous allez voir le grand châtiment qui vous attend. Bima kuntum tustakbiruna fil ard. Parce que dans ce bas monde, ah, vous ne vouliez pas suivre le bon chemin, vous étiez dans la mécréance, etc. Bima kuntum tafsukun. Et parce que vous étiez des pervers, etc. Donc, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jalla, parce qu'il leur a donné ici, que peut-être le faible, il va dire donc, ceux-là, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous. Ah, c'est impossible. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset que je voulais dire tout à l'heure, sur le mu'minun, il a dit, est-ce qu'ils croient, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, nusari'u lahum fil khayrat, bal la yash'urun. Est-ce qu'ils croient que ce que je leur donne comme enfant et comme argent et comme bien, ça veut dire que je leur veux du bien? Ils pensent que je leur veux du bien si je leur donne cela. Ensuite, il a dit, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que je leur donne cela pour les, hein, pour qu'ils restent seulement à penser à cela, afin qu'ils meurent, ils ne trouvent rien devant eux demain lorsqu'ils vont me rencontrer. Comme il a dit dans ce verset. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Et lorsqu'il leur montrera l'enfer, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ دُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Ça y est, tous vos désirs, ça, vous les avez exaucés dans votre vie, et il n'y a rien maintenant, vous les avez fait dans le bas monde. Donc, il faut que le croyant sache que, et qu'il dise même, Alhamdulillah, qu'il n'a pas fait de moi un multimilliardaire. Alhamdulillah. Et moi-même, qui vous parle maintenant, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Si j'étais milliardaire, quelle est la preuve que je serais maintenant avec vous? À 90%, peut-être je ne serais pas. Si j'ai beaucoup d'affaires, moi j'ai le temps de m'asseoir maintenant en face de l'ordinateur, le paletot, je n'aurais même pas ce temps. Ça, si j'étais musulman, je parle d'un musulman, alors le croyant, le méfiant, c'est pas la peine d'en parler. Musulman, tu n'as pas le temps. Des milliards, tu dois faire des calculs jour et nuit. Le téléphone ne s'arrête jamais de sonner. Jamais. 600, 700, 1000 appels par jour. L'avion, l'hélicoptère, ces choses, c'est un jahim, c'est un enfer, l'ayadu billah. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, il y a un verset qui est très très important, où Allah Azza wa Jal, il a dit, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Allah Azza wa Jal a dit, et si, c'est par, les croyants, a dit, par des croyants, c'est vrai, il dit que, si, je ne peux pas dire que l'Azur a peur, car l'Azur n'a pas peur, mais je voudrais vous faire arriver l'idée dans la tête. L'Azur a dit dans ce Coran, l'Oulan yakuna nasu ummatan wahida, la ja'anna li man yakfuru bir rahman, li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alayhi yadharun, wa li buyutihim abwaban wa sururan alayhi yattaki'un, wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya, wa al-akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin. L'Azur a veut dire que les mécréants, je leur donne tellement, ici dans ce bas monde, au point où, si les croyants avaient vraiment de la foi, et avaient vraiment la certitude dans leur cœur, vous savez là, ce qu'il a dit, si vraiment ils avaient de la foi, j'aurais donné aux kuffars ici, je leur ai donné des maisons, etc., avec des escaliers en or pour monter à la terrasse ou là-haut. Pour monter haut, il leur dit, je leur ai dit, je leur ai donné des choses en or et en argent. Tout en or et en argent pour que, mais il a dit, seulement, si je leur donne cela, il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui vont quoi? Qui vont, si les hommes ne devaient pas construire une seule communauté comme mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Naam. Allah Azza wa Jalla aurait donné des toits en argent et en or. Mais il a dit, je ne donne pas cela. Pourquoi? Parce que les croyants, ils sont faibles. Ils ont une... leur croyance est faible et ils vont dire, comment? Celui-là est mécréant, il a tout cela. Et moi, je suis croyant, je fais la prière jour et nuit, et il ne m'a pas donné cela. Donc, moi, je vais suivre les mécréants. Ce sont eux qui ont raison. Moi, pour avoir de l'argent et de l'or, etc., je dois faire comme eux. la preuve, ils sont mieux que moi. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla l'a dit, c'est pour ça qu'il a dit que je ne donne pas aux koufars, sinon je voudrais leur donner plus. Mais à cause des croyants qui ont la foi faible, je ne vais pas donner. Donc, si nous avions la vraie foi, une foi qui ne s'ébranle pas, Allah Azza wa Jalla aurait donné à tous les koufars tout l'or du monde qu'il y a. Il leur aurait donné. Pourquoi? Pour vous dire que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ce bas monde valait une aile d'un moustique, si ce bas monde valait seulement une aile d'un moustique ou d'une mouche, il n'aurait pas donné à un kafir, à un mécréant, une gorgée d'eau. Donc comprenez bien, là je le dis, si cette vie valait seulement une aile d'une mouche, une aile, je n'aurais pas donné au kafir, je ne lui aurais pas donné une gorgée d'eau. Alors, ça veut dire par contraire, si Allah lui a donné au kafir, non seulement une gorgée d'eau, mais il lui a donné des milliards, il lui a donné de l'or, il lui a donné des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, elle dit, ne vaut rien dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la balance d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que, attention, ne fais jamais de faux calculs, tu vas te tromper. Tu lui dis, si Allah m'aimait, il m'aurait donné de l'argent. Non, ne dis pas ça. Si Allah t'aimait, il t'aurait donné du iman, il t'aurait donné de la foi, il t'aurait donné du ilm, il t'aurait orienté vers lire les livres, essayer d'apprendre, essayer de comprendre le dîn. Voilà la balance, tu regardes cela. Si tu as cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Mais si tu as beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si tu es la plus pauvre ou le plus pauvre des gens, ça ne veut pas dire que Allah te déteste. Ma'adallah, tu peux être le plus pauvre, le plus près d'Allah, demain lorsque tu vas mourir. Tu peux être ici le plus riche, le plus loin d'Allah demain lorsque tu vas mourir. Donc l'argent, ça n'a rien à voir avec l'iman. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. Là, je l'ai dit, à tous je donne de l'argent, à tous je donne des biens, aux kuffars et aux mécréants, aux kuffars et aux musulmans. Donc ça ne veut pas dire s'il te donne qu'il t'aime, et s'il t'en enlève, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ou là qu'il te déteste. Ensuite, il va parler ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, Cheikh Islam aussi, il a dit, الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ici il commence. Ici le livre commence. La première phrase qu'a écrit Ibn Taymiyyah, الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Le premier mot qu'il a dit, c'est quoi? الحمد لله. Pour que vous sachiez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalul dhikr alhamdulillah. Il a dit afdal dhikr, la meilleure ou le meilleur des invocations, c'est alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est très très important. Celui qui peut yani, celui qui peut, comme ça en marchant dans la rue, alhamdulillah, en conduisant la voiture, la femme en train de déplucher les pommes de terre, elle dit alhamdulillah. Surtout si lorsqu'il dit ce mot, Il ne le dit pas yani, en pensant à autre chose. Lorsqu'il dit, il essaie de penser à ce qu'il dit. Par exemple, là, quand il dit Alhamdulillah, il l'attache avec quelque chose. Ça veut dire, Alhamdulillah, j'ai des enfants. Alhamdulillah, je suis marié. Alhamdulillah, je suis croyant. Alhamdulillah, je ne bois pas l'alcool. Alhamdulillah, il l'attache avec des choses comme ça. C'est mieux que dire comme ça, Alhamdulillah, sans savoir ce qu'il dit. C'est pour ça qu'au moins, quand tu commences Alhamdulillah, au moins les 10 premiers ou là, attache-les, pense à ce que tu dis. Louange à Allah, ainsi dans ton cœur. Même tu peux dire, c'est pas obligé de laisser dans ton cœur. Tu dis à voix haute, louange à Allah qui m'a donné ceci, cela. Louange à Allah qui m'a donné un mari. Louange à Allah que je ne bois pas l'alcool. Louange à Allah que j'ai quitté la méfiance. Louange à Allah que je suis dans le minhaj salafi. Louange à Allah que ceci, cela. Allah Azza wa Jalla aime beaucoup cela. Aime beaucoup. لا أحد يحب المدح من أكثر من الله سبحانه وتعالى. يا فاكر كان كيام كون ويديز دي شوز كوم سي كوم سولا كوم الله سبحانه وتعالى. إذا بوكو qu'on lui dise Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ensuite, vous devez savoir qu'il y a une différence entre quand on dit Alhamdulillah et quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Ashkuruk matan. Il y a une différence entre louer, faire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, et entre Ashkur, Alhamdu Ashkur. En arabe, on dit Alhamd, Alhamdulillah, et Shukr. Shukr, yani ana Ashkur. تقول أشكر الله على كذا وكذا وكذا. La différence, les ulama ont dit, la différence entre الحمد ou الشكر, c'est que الحمد, il est toujours, louange à Allah, il est toujours avec la langue. Louer et remercier, naam. Louer et remercier. Quand on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on loue toujours avec la langue. Il n'y a pas un autre moyen de louer Allah. Comment tu fais? Tu loues avec ta langue, tu dis Alhamdulillah pour ceci, Alhamdulillah. Ça, c'est avec ta langue. Tandis que le remerciement, il peut se faire avec la langue, tu dis, Ya Allah, je te remercie pour les enfants que tu m'as donnés, ou pour l'iman que tu m'as donné, tu remercies avec quoi? Avec la langue. Ou bien tu remercies avec le cœur, hein, dans ton cœur, yani tu sens et tu remercies avec ton cœur. Ou bien tu remercies aussi avec quoi? Avec ce qu'on appelle les instruments jawarih. Par exemple, tu fais la prière, tu fais deux rak'at, tu fais deux rak'at. Pourquoi tu fais? Parce que tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière la nuit, nafila, il faisait jusqu'à ce que ses pieds coulent de sang. Ensuite, les gens lui disaient, Aïcha et les autres, radiyallahu ta'ala, pourquoi tu fais tout cela? Allah azzawajal ne t'a-t-il pas tout pardonné? N'a-t-il pas dit dans le Coran qu'il t'a tout pardonné? Qu'est-ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam? Il répondait, Atala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être quelqu'un qui remercie Allah? Donc, il remercie par quoi ici? Il remercie en faisant la prière. Donc, il y a une différence entre louer et remercier. Louer seulement avec la langue, remercier avec la langue, on remercie avec le cœur, et on remercie avec ce qu'on appelle les jambes, avec le corps, comme faire la prière, etc. Voilà l'une des différences entre louer et remercier. Et il y a une deuxième différence, quand on remercie les membres, naam. Il y a une deuxième différence, quand on remercie pour les choses qui nous plaisent, jawarih, les membres. Quand on remercie seulement pour les choses qui nous plaisent, ça. Il y a quelque chose qui te plaît ou là, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on loue Allah azza wa jalla pour les choses qui plaisent et qui ne plaisent pas. Regardez cette différence. Quand il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui t'apporte une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, c'est toujours avec la langue, mais pour louer, tu loues dans des choses qui sont bien et tu loues Allah Azza wa Jalla dans des choses qui sont des malheurs. Si quelque chose te plaît, par exemple, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Comme ça disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui as rapporté quelque chose qui lui plaisait, il disait, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Et quand c'est quelque chose, un malheur qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dans tous les cas. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc voilà la différence. Pour remercier, c'est pour on remercie quand c'est seulement quelque chose qui nous plaît. Et on loue quand ça nous plaît et quand c'est un malheur et ça ne nous plaît pas. C'est voilà l'une des deux. C'est aussi ça une différence. Il a dit Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Donc nous, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le remercie. Pourquoi? Pour nous avoir envoyé un prophète. Il a dit, Arsala Rasulahu, Bilhuda wa Dinil Haq. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin Adi' alayhi rahmatullah, il dit, il ne parle pas spécialement de notre prophète, Ibn Taymiyyah. Il parle, Alhamdulillah, que Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes. Car quand il n'y a pas de prophète, c'est l'égarement total. Moi, comment vais-je savoir que il y a Allah, et comment vais-je savoir que je dois faire ceci ou je dois pas faire cela s'il n'y avait pas le prophète? Imaginez que Allah Azza wa Jalla nous ait défendu le Coran sans l'explication du prophète. Yani, comment va-t-on savoir maintenant que la prière, il y en a cinq? C'est pas inscrit dans le Coran. Et comment va-t-on savoir qu'il y a une prière qui s'appelle Dhuhr, qui a quatre rak'at? Les deux premières, on les fait doucement, à voix basse, et les quatre à voix basse. Ensuite, l'Asr, la même chose. Et le Maghreb, les deux premières à voix haute et la dernière à voix basse. Il a dit, les deux premières à voix haute, l'autre à voix basse. Comment va-t-on savoir ces choses s'il n'y avait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et des milliers de choses qu'on n'aurait jamais su s'il n'y avait pas le prophète. On aurait fait la guerre entre nous. Chacun aurait traduit le Coran comme il voulait lui, ou comme il veut lui. Chacun dira non. Le sens, le vrai sens, c'est ce que j'ai dit moi, c'est pas ce que tu as dit toi. Mais Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le Coran et pour que les gens yani, ne s'égarent pas. Ensuite il a dit, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Parce que Allah l'a envoyé et a terminé avec lui. Ça veut dire, ensuite, il n'y a plus personne après lui qui va venir sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a beaucoup qui sont venus, les grands menteurs, bien sûr, sont venus, mais tous, yani, n'ont pas réussi, alhamdoulilah, et tous, Allah Azza wa Jalla, kashafahum, et il a montré que ce sont des faux messies, et de faux prophètes, C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il n'est pas là devant moi, mais c'est à peu près son sens, il a dit que moi, par rapport aux autres prophètes, c'est un hadith sahih, bien sûr, il est chez l'Albani, il a dit, moi, par rapport aux autres prophètes, c'est comme quelqu'un qui a construit un beau palais. Et il n'a laissé que un petit trou dans le palais. Un petit trou où on pouvait mettre une brique. Une brique, on peut la rentrer. Il a laissé un trou comme ça où il n'y avait pas la brique. Il a dit, les gens rentraient dans ce palais et disaient, Masha'Allah, comme il est beau ce palais, si on avait terminé la brique, si on n'avait pas laissé ce petit trou-là. Il a dit, ce petit trou-là, c'est moi. Ce petit-là, yani, le palais, c'est tous les prophètes. Il manque quoi? Il manque quelque chose, une petite brique. Cette brique, c'est moi, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il a donné cet exemple. Yani, s'il n'y a pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande mouchkila. C'est lui avec lequel on termine la bâtisse. La maison, le palais est tout terminé, mais il reste un petit trou pour une brique. Cette brique, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la brique avec laquelle Allah azza wa jalla a terminé sa religion. Il n'y a personne, aucun, il y a ni quelqu'un qui viendra après lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit dans le hadith, فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَتَمُ النَّبِيِّينَ. C'est moi, cette brique, et c'est moi, le dernier des prophètes. Ce qu'il a dit, الذي أرسل رسوله, qui a envoyé son prophète, بالهدى ودين الحق. الهدى c'est quoi? C'est la science qui est bénéfique. Il n'a pas dit, il a envoyé avec la science. Non, il a envoyé avec la science qui est bénéfique. Pourquoi? On peut avoir une science, mashallah, mais elle n'est pas bénéfique. Einstein n'avait-il pas de la science? Si, il avait de la science. Mais quelle science? Il nous a construit la bombe atomique. Il nous a construit la bombe atomique. C'est une science, mais qui fait ravage et qui anéantit le monde et les peuples. Donc, il a dit, Bilhuda. Bilhuda, c'est la science, l'ilm, al-nafa. Et la plus grande science bénéfique, c'est la science du din. La science que tu connaisses l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din. Il a dit, quand quelqu'un, Allah Azza wa Jalla, lui veut du bien, il lui apprend sa religion. Il commence à apprendre la aqidah, commence à apprendre le fiqh, il commence à... C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahmatullah, Ibn Taymiyyah a dit, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit, et par inverse, et inversement, quiconque voit qu'il n'apprend pas l'islam, ou là ne s'intéresse pas à la science de l'islam, ou là ne cherche pas à comprendre, ça veut dire que c'est quelqu'un que Allah Azza wa Jalla ne veut pas de lui du bien. Non. Si Allah Azza wa Jalla ne veut pas de toi du bien, il te laisse comme ça, à courir derrière l'argent, à courir derrière l'euro, à courir derrière, avoir la dernière voiture et le dernier portable. Tu ne penses qu'à cela, yani, qu'aux choses de ce bas monde. Si Allah Azza wa Jalla maintenant te veut du bien, il veut te rapprocher, il te choisit. Il te dit, avec les noms, celui-là, il fait quelque chose dans ton cœur qui te pousse à aimer cette chose. Tu aimes maintenant écouter. Tu aimes t'asseoir. Tu aimes ouvrir un livre. Tu aimes noter. Ça, d'où c'est venu? C'est pas toi. C'est pas toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu te donner choix. Cette chose, il t'a choisi parmi des milliers et des millions de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah azzawajal a aimé quelqu'un. C'est ça le délire. Quand tu vois que tu aimes la science de l'islam, tu aimes connaître Allah azzawajal. Tu aimes te rapprocher de lui. Tu aimes apprendre le Coran. Tu aimes apprendre la sunna. Ça veut dire que Allah azzawajal t'a aidé et qu'il t'a aimé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aime. Qui nous aide, qui nous aide, hatta inshallah ta'ala, il nous aime. Ensuite, il y a la science qui n'a pas de rapport avec le din. Celle-là aussi, Allah Azza wa Jalla l'aime, si elle se fait dans un but pour le visage d'Allah. Allah Azza wa Jalla aime qu'il y ait quelqu'un qui va nous découvrir le médicament du cancer. Quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il va le faire, yani, pour l'humanité. Donc, si quelqu'un va découvrir ça et il va mettre dans le cœur l'intention de faire cela, yani, pour réjouir Allah subhanahu wa ta'ala et pour que les gens se soignent et guérissent, c'est là, celui-là, il va avoir un grand ajr. Mais s'il le fait seulement pour l'humanité, il aura des ajr ici dans cette vie. Il n'aura rien dans l'au-delà en revanche. Pourquoi? Parce que l'ajr a dit dans le Coran, وَمَا عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Il a dit, chez moi, je ne donne aucun ajr à quiconque fait du bien, sauf s'il le fait pour moi. Pour moi seulement, pour moi. Pas pour l'humanité. Aide l'humanité pour moi, pour ma cause. Parce que c'est moi qui dis aider l'humanité, aider les gens. مَنْ سَتَعَ مِنْ فَعَخَ فَلِفَعَ. Comme ça dit le prophète, quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Hadith rawah muslim. Donc, toi, tu aides les gens, les malades, tu cherches le médicament parce que tu es un spécialiste de médecine, mais fais-le en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de gens, même des croyants, hein, croyants mais ils n'ont pas d'ilm, etc. Ils se disent, comment, par exemple, pasteur, comment n'aura-t-il pas de ajr, pasteur? C'est lui qui a inventé le vaccin, la pénicilline et je ne sais pas ça, contre la rage, etc. Comment il ne va pas avoir de ajr? On dit, qu'est-ce que tu veux dire par ajr? Si tu veux dire que dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va lui donner des chances en revanche, oui, il va lui donner de l'argent, il va lui donner des enfants, etc., à cause qu'il a découvert cela. Mais si tu veux dire qu'il va lui donner des hasanats, il va le rentrer en paradis, c'est que tu n'as jamais lu le Coran, toi. Tu n'as jamais lu le Coran, tu ne sais pas que le kafir, il lui donne la zone seulement ici, il lui donne jamais là-bas. Là-bas, c'est spécialement pour les croyants. Spécialement pour ceux qui ont suivi leur prophète en leur époque. Ici, le kafir là-bas, il n'a rien. Il a tout ici. Tu ne vois pas qu'il a des choses que tu n'as pas toi. Toi, tu es croyant, tu fais siyam, tu te lèves la nuit, tu fais le wudu, tu as des maladies, tu patientes, etc. Et lui, il a tout ici. Et lui, il est toutes les portes sont ouvertes. L'argent, il ne sait plus quoi en faire. Il a les enfants, les beaux enfants, les yeux bleus, il a tout. Et toi, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal veut te dire, donc toi, tu es croyant ou tu ne l'es pas? Tu veux que je te donne comme eux? C'est facile, je vais t'ouvrir les portes. Tu ne vas plus pouvoir compter l'argent. Il faut que tu achètes un ordinateur pour qu'il compte combien tu as d'argent dans la banque. Mais demain, quand tu me rencontreras, attention, tu vas pleurer ou là tu vas dire ceci ou là je regrette ou là. C'est trop tard. C'est trop tard. Demain, contre les kuffars. Non, il est 23h. Omar Abdallah, la prochaine fois, barakallahu fikum, vous m'avertissez 5 minutes à l'avant. Au moins, je sais que, pour savoir comment m'arrêter, je disais que demain, quand les kuffars vont voir ce qu'il y a au paradis, ils vont voir ce que, ils ont, ce qu'ils n'ont pas, les choses qu'ils ne vont pas avoir. C'est pour ça, vous savez, c'est pour ça, qu'il y a un hadith sahih, vous savez ce que dit le hadith sahih? Il dit que chaque musulman, chaque croyant, demain quand il sera dans sa tombe, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de lui ouvrir à celui qui va aller au paradis, le croyant qui va aller au paradis. Allah Azza wa Jal demandera qu'on lui ouvre dans sa tombe une fenêtre pour voir quoi? Pour voir l'enfer. Le croyant qui va aller au paradis, Allah Azza wa Jal va lui ouvrir d'abord une fenêtre pour voir l'enfer. Quand il verra l'enfer et qu'il croit que khlas, il va partir en enfer, ça, les anges lui diront non, il ferme cette porte, ils vont lui dire mais voilà ce que ou à où tu allais partir si tu avais été mécréant. Mais puisque tu es un croyant, tu crois en Allah, etc., voilà ce que tu as. Et il lui ouvre une deuxième fenêtre, il va voir le paradis. Là, bien sûr, il va sentir une joie, et c'est pas là, indescriptible. Et la même chose pour le kafir qui va aller éternellement en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiya, on va lui ouvrir d'abord une fenêtre au paradis. Parce qu'il va voir, il va dire, masha'Allah, c'est quoi ça? Moi, j'étais pas croyant, il va se dire ça dans son cœur, et j'ai maintenant ça. Ensuite, les anges lui diront, voilà où tu allais être si tu étais croyant. Mais puisque tu étais mécréant et tu ne croyais pas en Allah, etc., et tu insultais le prophète, alayhi salam, tu disais ceci sur lui, on ferme cette porte, cette fenêtre, et voilà maintenant où tu vas partir. Et il va regarder à l'enfer, et la fenêtre restera ouverte jusqu'au jour où il sortira de sa tombe. Nus'Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Donc ici, si vous remarquez quelque chose de très important, c'est quoi? Très très importante. C'est que, pourquoi il te montre ça, ensuite ça, ça et ensuite ça? Parce que le croyant, si on lui avait ouvert seulement la porte du paradis, il aurait dit, Alhamdoulilah, je savais que j'allais partir au paradis, Alhamdoulilah. Mais regarde, on te fait d'abord peur, regarde où tu allais partir. Regarde, comme ça, tu vas sentir deux joies. La première, de n'être pas allé en enfer, car si on ne t'avait pas montré l'enfer, tu ne l'aurais pas connu. Ça ne t'intéresse pas. Là, voilà l'enfer, regarde comment il est, et tu ne vas pas rentrer. Ça, là, c'est une première joie. Voilà l'enfer et tu ne rentres pas. Alhamdoulilah, c'est une première, deuxième joie, tu vas aller au paradis. Et le contraire pour le mécréant. D'abord le paradis, et tu ne vas pas entrer au paradis. Donc c'est le premier malheur. C'est la grande première déception. C'est le premier azab, c'est le premier supplice. J'ai vu le paradis et j'y vais pas. Ensuite, le deuxième supplice, regarde l'enfer, tu vas y aller. Donc, si on n'avait pas montré au kafir, mécréant, on lui avait pas montré l'enfer, et le paradis, il aurait dit, moi je sais que j'allais aller en enfer, je sais. Toute ma vie c'était, j'ai insulté Allah, j'ai insulté le prophète, etc., j'ai insulté les musulmans. Je savais que j'allais en enfer. Mais on lui dit, non, regarde aussi où tu ne vas pas aller. Regarde ce que tu vas perdre aussi. Pour que son cœur se déchire. C'est pas comme, Inch'Allah ta'ala, vous avez compris. J'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, j'ai dépassé de 5 minutes. Je voudrais dire à mes frères, comme d'habitude, donc les sœurs, c'est pas la peine de lever la main. Les frères seulement lèvent la main. Je voudrais dire à mes frères qui vont partir pour faire la prière, je ne sais pas quand est-ce, en 5 minutes ou les 10 minutes ou là, de ne pas laisser, ou plutôt, même si vous laissez le bras levé, de dire aux frères et sœurs qui sont dans la salle, qui n'ont pas les points rouges, que je suis absent, absent 10 ou 15 minutes. On me donne les noms, parce que moi je vois la main comme ça levée, je commence à attendre. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il n'y a rien. Mais si vous dites à Bouane sous la Zinjabila ou là, je suis absent, ça je sais que vous n'êtes pas là, quand vous venez, vous avertissez, je suis revenu. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك on se rencontre inshallah ta'ala dans 10 minutes السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم عليكم السلام وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين en ce qui concerne la salle aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés pour rentrer. C'est pour ça que je suis rentré vers 23h10. Là, j'ai perdu 10 minutes ou un quart d'heure. Car quand on s'inscrit sur le Paltok, vous savez qu'on vous donne un mot de passe, un numéro. Ce numéro, donc ça fait une année ou deux ans, je l'ai oublié. C'est pour ça qu'à chaque fois que je veux rentrer, il me dit « donne-moi le numéro » et je ne l'ai pas. Et année, on reste toujours dans des machins. C'est pour ça qu'il est très possible que je change. Il est possible que je change de pseudo et donc de salle. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à chaque fois, je reste 10-15 minutes à me battre avec le Patokada pour qu'il l'ouvre. Al-Muhim, je ne sais pas si Ukhti Fidlah est là pour lui dire combien qu'Allah a eu dans son devoir. Mais ça ne fait rien, je dirai à une de vous, elle lui dira Inch'Allah Ta'ala quand elle la verra. On commence par, Inch'Allah Ta'ala, par les questions que j'ai eues dans le courrier. ou les ikhwa et les akhawat qui n'ont pas. Vous devez taper votre adresse, email, et vont. Là, j'ai tapé, ils ne m'ont pas envoyé. J'ai tapé plusieurs fois, ils ne m'ont jamais envoyé. Ils ne m'ont jamais envoyé. Ils ne s'envoient pas le numéro. Ils s'envoient, ils te disent, voilà, tel jour tu t'es inscrit, tel jour tu as fait cela, cela. Mais ils ne te donnent pas, voilà le numéro. Al-Mouhim, je voulais dire que je vais commencer par les questions, inchallah, de ceux qui m'ont envoyé à des mails hier, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être répondu. Pour la ourte qui m'a dit, quelqu'un qui fait la prière, une femme qui fait la prière, derrière un mahram, derrière un mahram. Une femme, par exemple, fait la prière derrière son mari, et son mari se trompe. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je dirais, Allahu ta'ala alam, s'il se trompe, par exemple, question de Coran, il oublie un mot, là, il s'arrête en plein milieu, il ne sait pas comment continuer, il ne sait pas quel est le verset qu'il doit dire, elle peut lui dire. Peut lui dire le mot qui manque, etc. Mais s'il se trompe question de prière, il s'assoit au lieu de se lever, il se lève au lieu de s'asseoir, etc. Ça, elle frappe dans ses mains, comme dans le hadith. Hein? Tout ça se fait. Elle frappe de ses deux mains, comme c'est inscrit dans le hadith. Donc il y a une différence entre quand elle lui parle, quand il oublie quelque chose, ça s'appelle istiftah. Et quand il oublie quelque chose de la salat, il descend, il s'assoit au lieu de se lever, etc. Là, elle lui frappe des mains pour qu'il comprenne qu'il s'est trompé. Ensuite, il y a une deuxième question pour une femme. Elle dit comment que une femme guide la prière. Je dirais très vite, elle reste au milieu des femmes. Une femme, quand elle guide la prière avec les femmes, elle reste au milieu des femmes. Il n'y a pas autre chose. Elle reste au milieu des femmes. Elle dit Allahu Akbar, elles disent Allahu Akbar les autres, à gauche et à droite. Ensuite, elle descend. Elles descendent, et ainsi de suite. Une prière très normale, juste la différence, c'est que quand elle guide, elle ne peut pas être à l'avant, mais elle doit être au milieu, parce que la femme ne peut pas guider en étant à l'avant, mais elle doit guider en étant au milieu des femmes. Ensuite, une question pour le divorce. Est-ce celui qui divorce avec sa femme en lui disant qu'une fois, tu es divorcé? Est-ce qu'après une certaine période, il ne peut plus se remarier avec elle. Il a dit, par exemple, il divorce en lui disant qu'une fois, et 2 ans après, il vient la demander au mari, est-ce qu'il a le droit? Réponse, naam, il a le droit, après 2 ans, 3 ans, 1 année, 10 années, de lui demander sa main. Mais elle a le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Voilà la différence. Elle a le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Mais par contre, quand il la divorce et qu'elle est en pleine période de viduité, elle n'a pas terminé la période, hein, les 3 menstrues ne sont pas terminées, il peut faire la revenir sans qu'elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas divorcée, elle est toujours sa femme. Parce que la période n'est pas terminée. Mais quand la période de viduité se termine et qu'elle prend sa douche, ça y est, elle n'est plus sa femme. Si elle veut, elle revient. Si elle veut pas, elle revient pas. Deuxièmement, au sujet de celui qui sert d'intermédiaire pour quelqu'un et qui reçoit un cadeau. Peut-il prendre ce cadeau pour le donner à la personne qui lui a confié cette tâche, en lui disant à celui qui lui donne le cadeau qu'il n'est qu'un intermédiaire? Inch'Allah. Cette chose, cette question, j'ai bien essayé, je l'ai lu peut-être 5, 6, 10 fois, et je n'ai pas comprise. Je n'ai pas comprise comment on prend le cadeau et on le donne à celui qui nous a confié la tâche. Cette chose, je n'ai pas comprise. Mais je veux dire qu'il faut faire la différence entre être un intermédiaire et entre l'intercession. Moi, je parlais de l'intercession, je parlais du shafa'a. Shafa'a, quelqu'un sait que, par exemple, le responsable ne va pas accepter si je vais lui dire, donne-moi cette chose. Je vais envoyer quelqu'un qui va aller lui parler. Ça s'appelle shafa'a. Il lui dit, donne-lui cette chose en mon visage, etc. Lorsqu'il va avoir entre, il va lui donner. Ça, c'est là où il est interdit de prendre le cadeau comme le prophète Hassan l'a dit dans le hadith sahih. Mais si je suis seulement intermédiaire, moi, quelqu'un, je suis intermédiaire, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui construit sa maison et il y a le constructeur. Il y a celui qui a la maison, il y a le constructeur. Le constructeur, il doit envoyer du ciment. Un camion de ciment à la villa. Si tu ne peux pas y aller, il me dit, barakallahu fik, chez moi, ce travail, prend ce camion ou aide-le, etc., pour qu'il le fasse arriver à la villa là-bas. Ça, j'ai été un intermédiaire entre le constructeur et celui, le propriétaire de la villa. Mais ici, ce n'est pas interdit qu'il me donne quelque chose. Moi, je ne suis pas obligé de lui prendre le camion et d'aller jusqu'à l'autre ville. Je peux même conditionner. Tu me donnes l'argent ou je ne vais pas. Donc là, ce n'est pas interdit. L'interdit, c'est l'intercession, ce n'est pas d'être seulement intermédiaire. Hein. Il faut que vous sachiez qu'il y a une différence, inshallah ta'ala. Ou si j'ai du combat entre deux croyants, est-ce qu'on doit se défendre contre le croyant qui veut nous tuer ou le laisser nous tuer pour ne pas aller en enfer? Par exemple, un frère veut me tuer. Je lui dis que je ne veux pas me battre avec lui car Allah ne veut pas que deux croyants se battent. Il ne prend pas compte ce que je dis et m'attaque. Quand même, qu'est-ce que je fais? Je me défends au risque de le tuer ou je le laisse me tuer. Quand tu as dit que c'est un frère qui te tue, etc., un frère, je ne crois pas qu'il fasse cela. Sinon, ce n'est pas un frère, celui-là. Celui-là, c'est un ennemi, ce n'est pas un frère. De toute façon, comme a dit le Qurtubi et les autres, il a dit, un sunna mujmi'un. Yani, ils sont tous unanimes pour dire que, dans ce cas, tu te défends. Dans un cas comme celui que tu viens de citer, tu te défends. Mais seulement, tu ne mets pas dans ton intention de le tuer. Tu dis, je me défends contre cette personne qui veut me tuer. Hein, j'essaie de l'assommer, ou là, j'essaie de faire tomber, ou là, j'essaie. Je ne dis pas dans ma tête, je vais le tuer avec un revolver. D'ailleurs, même si j'ai un revolver, je le frappe dans la jambe, je le frappe dans le bras, je ne vise pas la tête, je ne veux pas le tuer. Voilà comment tu fais. Maintenant, si tu fais ça et il meurt, c'est de sa faute, c'est pas de ta faute. Toi, tu n'avais pas l'intention de le tuer, et il est mort. Mais dans ce cas, pareil, Inch'Allah Ta'ala, tu te défends, comme ça on dit les ulama. Un autre a dit, barakallahu fikoum, etc. J'ai l'intention de faire une hijra. J'ai déjà essayé au Maroc, ça n'a pas convenu à ma femme. J'ai l'intention d'essayer dans les pays du Golfe, Inch'Allah. S'il se trouve du travail au Koweït, Inch'Allah, pas loin de vous, est-ce que vous m'accepteriez comme élève? Si oui, quel est le nom de votre ville? Pour que je cherche près de vous, Inch'Allah. Barakallahu, si vous voulez savoir plus de moi, je suis prêt à répondre à toutes questions, etc., etc. Pardonnez-moi si je ne me suis pas pris convenablement. Je cherche à faire hijra près d'un homme qui m'apprend ma religion de la meilleure façon pour qu'Allah soit satisfait de moi. Amin. Naam, tu as raison de choisir quelqu'un, d'aller faire la hijra envers quelqu'un qui t'apprend le haïn. Ça, tu as raison. Tu feras bien. De toute façon, tu feras bien. Mais je voudrais te dire deux choses. Premièrement, pour le Koweït, premièrement, il y a deux choses. Hein. La première des choses, je ne te conseille pas beaucoup. Parce que ici, les gens yani, qui sont de haine, ils ne sont pas très assoiffés. Ils ne sont pas très assoiffés. Ils ne sont pas très assoiffés qui sont de haine. Parce que ils ont les grands ulama là-bas en Saoudi, etc. Ils ne sont pas intéressés par quelqu'un de yani, simple ou de moyen. Hein, pour eux, l'Arabie Saoudite, c'est hein, 20 minutes par avion. Ils partent une fois par mois, ils assistent aux grands cours là-bas, etc. C'est pour ça qu'ici, ils n'ont yani, pas avec la ferveur est dans le cœur, pas le brain. Deuxièmement, ils sont très, yani, comment qu'on dit, occupés par beaucoup d'autres choses. Troisièmement, si tu veux venir au Koweït, il faut que tu saches que, Inch'Allah Ta'ala, moi j'ai l'intention très prochainement, peut-être 5 mois, 6 mois plus tard, de quitter le Koweït définitivement pour entrer en Algérie. Donc si tu viens à cause de moi je t'avertis que je vais partir, Inch'Allah, dans 5 mois, 6 mois. Tu veux venir dans ces 5 mois, marhaban bik wa ahlan, les portes sont grandes ouvertes. Mais je t'avertis dès maintenant que, Inch'Allah, maximum 5-6 mois, peut-être avant, je partirai. J'attends seulement un travail que j'ai demandé en Algérie, si Allah Ta'ala ouvre les portes, donc je partirai, Inch'Allah Ta'ala. Lors de ma question, vous avez parlé du frère pour son péché. Mais Shaitan m'a fait oublier de poser une question. La question est la suivante. Pour les problèmes d'angoisse, insomnie et manque d'appétit, est-ce du shirk d'aller voir un psychologue pour solliciter son aide? Est-ce du shirk de prendre des médicaments pour dormir ou manger? Barakallahu fik. Non, c'est pas du shirk. C'est pas du shirk de prendre des médicaments si tu dis dans ton cœur que c'est pas le médicament qui me guérit. Le médicament soigne, c'est tout. C'est Allah Azza wa Jalla qui guérit. Et si tu sais qu'il y a un psychologue qui peut t'aider, c'est pas du shirk. Tu vas chez le psychologue, tu lui racontes ce qu'il y a, et il te donne ce qu'il a. S'il te dit de faire des choses qui sont halal, tu les fais. Si tu te dis de faire des choses qui sont haram, tu les fais pas. Si tu te dis il faut boire un verre de vin pour ta santé, etc., tu ne bois pas et tu ne suis que les choses qui se font dans la charia. Sinon, j'ai compris, voilà. Bon, quand vous dites qu'il a besoin, le frère, eh bien, il a besoin de rester avec des frères, de lire, de ne pas être seul. Il est prêt à tout pour avoir la victoire sur Shaitan. Il a décidé, Inch'Allah, d'aller à Medina pour apprendre l'arabe et le din. C'est aussi mon projet, Inch'Allah. Comme vous savez sûrement, ils sont très exigeants sur Medina. Il a peur de ne pas être accepté, car son propre frère a été refusé. Moi aussi, j'ai peur de sa réaction. On a prévu, Inch'Allah, d'aller là-bas et poser le dossier. Je ne sais pas si vous avez des relations là-bas, mais si c'est le cas, est-ce que vous pouvez m'aider? Je te réponds, Inch'Allah, ta'ala, franchement, que je n'ai pas de relation là-bas. Je ne connais aucune personne à Medina, sauf Cheikh Abdelmalek Ramadani, qui est mon ami intime. Mais je n'ai aucune relation là-bas. Et je te dirais que moi personnellement, si je vais aller à Medina, je veux faire doctorat, je ne pourrais pas, tellement c'est difficile. Et si c'était quelque chose qui était dans mes mains, je t'aurais donné, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. Ensuite, quelqu'un d'autre a dit, salam alaikum, j'ai une question concernant la hijra. J'habite en France, ça fait longtemps que nous sommes dans le minhaj, moi et ma femme. Nous sommes persuadés de faire de la nécessité de la hijra. Mais ma femme veut attendre de faire sa carte de résident parce qu'elle est sans papier. Elle fait cela dans le but de pouvoir revenir en cas de maladie ou d'accouchement en France. J'ai essayé de la persuader que cela ne rentre pas dans le tawakkul. Je voudrais voir si je dois partir sans mon épouse tout en sachant de l'urgence de la hijra. Barakallahu fik. La réponse, Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah, salat salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si c'est une question de 15 jours, un mois, etc., tu attends. Si c'est une question des mois et des mois, ou d'une année ou là, il faut que tu commences par la hijra, qui est beaucoup plus importante que la chose en laquelle pense ta femme. Deuxièmement, ta femme, je ne sais pas pourquoi elle pense que elle va tomber malade, etc., elle va revenir ici soigner. Elle peut soigner dans n'importe quel pays où elle va y aller. Car, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah huwa tabib. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tabib. C'est lui le docteur. C'est pas ici en France qu'il y a seulement les médecins. C'est d'abord, là, je te guéris, ensuite, tu pourras guérir avec des médicaments ou bien un médecin, etc. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi elle vient accoucher en France et elle n'accouche pas dans un pays musulman. Accoucher, faire accoucher par un musulman, c'est mieux que d'être faire accoucher par un kafir. Ensuite, l'accouchement, normalement, il n'y a que la femme qui fait accoucher une femme. Que la femme. Et supposons que maintenant il y a l'homme, au moins qu'il soit musulman, pas un kafir. Et celle-là, elle veut qu'elle vienne accoucher en France. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. En ce qui concerne ton départ, tu ne peux pas aller seul. Tu ne peux pas aller et la laisser ici. Tu ne peux pas aller. Tu attends, inshallah ta'ala, si c'est question de 15 jours, un mois et demi, tu attends pour qu'elle fasse ses papiers. Sinon, inshallah ta'ala, tu la persuades pour que vous alliez maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer déjà d'ici demain. Et le fait de faire cela en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être, Inch'Allah, elle n'aura jamais de maladie et elle sera guérie de toutes ces maladies. Ensuite, j'ai une question du week-end. Quelle est la différence entre hasanat et ajr? Naam, entre hasanat et ajr. Hasanat, c'est des choses qui sont calculées. Par exemple, tu fais telle chose, tu as, comme dans un hadith sahih, il y a un hadith sahih, par exemple, il dit, si tu tues du premier coup un lézard, tu as 100 hasanat. 100 hasanat. Donc les hasanats sont des membres. Al-ajr, tu ne sais pas ce que tu as exactement. Tu fais quelque chose, Allah Azza te donne un ajr. C'est combien, je ne sais pas. 1000 hasanats, 10 000, 100 000. Mais quand il te donne hasanats, c'est des fois avec des nombres. Il te donne pour telle chose 10 hasanats, pour telle chose 100. Mais l'ajr, c'est beaucoup plus vaste. Tu ne sais pas exactement ce que tu as. C'est pour ça que des fois il dit, le ajr, c'est il te fait rentrer au paradis parmi le premier, il te fait ceci, il te fait cela. Mais la hasanat, c'est quand tu fais toi, quelque chose et que l'Azul se donne telle chose en revanche, il y a une ma'roufa, su, connu. Ensuite, il est dit, si une femme enceinte se trouve dans l'incapacité de faire l'ablution, car elle est trop fatiguée pour se lever, comment fait-elle la salat? Est-ce que c'est une condition qui autorise le tayammum? Si une femme est enceinte au point où elle sait qu'elle ne peut plus faire les ablutions, elle ne peut plus faire très difficile de lever son pied ou là. Vraiment, elle ne peut pas. Et là, je le sais, si elle peut, elle ne peut pas. Bien sûr, elle est entre deux choses ici. Ou bien ne pas faire la prière, ou bien la faire avec le taïmoum. Dans ce cas, bien sûr, elle le fait avec le taïmoum. Elle l'a fait avec le taïmoum. Mais beaucoup de femmes, jusqu'au 9e mois ou 8e mois et demi, ils font yani, les ablutions et c'est possible pour eux. Mais des fois, la femme, elle a des cas où c'est très difficile. Dans ce cas, elle fait avec le taïmoum plutôt que de ne pas la faire. Non, ou bien si elle a des chaussettes, elle met les chaussettes seulement une fois le matin. Ensuite, elle essuie seulement sur les chaussettes. À chaque fois, elle essuie seulement sur les chaussettes. Je vous ai posé la question si je dois faire l'eau alors que le médecin m'a dit de ne pas me mouiller car ça me fait mal. Mais en fait, j'ai une plaie infectée de pus et je dois subir une opération. Mais en attendant l'opération, le médecin m'a dit de ne pas mouiller la plaie et qu'elle devait toujours être à sec. Mais si ça n'a rien à voir avec la douleur, moi je me dis, je me la mouille. Ça me fait pas mal. Pourquoi ferais-je le taïmoum? Alors voilà ma question, est-ce que je dois faire l'eau ou barakallahu fikoum? Ma sœur, des fois le médecin te dit de ne pas mouiller une partie du corps où tu vas subir une opération pour que le jour de l'opération, elle ne soit pas mouillée, cet endroit ne soit pas mouillé et l'opération réussisse. Des fois, quand par exemple l'oreille, ou là, on va avoir une opération sur l'oreille, on la mouille, ce jour-là, on ne peut pas faire l'opération et les médecins n'acceptent pas. Ils te disent car c'est tellement mouillé, tellement humide, que ça va pas marcher. Donc peut-être ça va même aller plus grave. Donc c'est pour ça que des fois le médecin conseille, il te dit, cette partie du corps ne la touche pas. C'est pas parce que ça fait mal, mais pour que le jour de l'opération, ça soit possible. Voilà pourquoi il t'a dit de ne pas toucher. Wallah, c'est pour ça que tu peux, ou bien, quand tu fais l'ouzo, tu arrives à cet endroit, tu fais seulement passer ta main comme ça, humidement. Au lieu de mettre l'eau, non. Comme ça, humide, tu fais passer seulement ta main et les autres parties, tu les mouilles. Ou bien, comme on dit beaucoup de ulama, tu mouilles tous les endroits. Quand tu arrives à cet endroit exactement, tu le sautes. Tu le sautes et tu mouilles tous les endroits. Ensuite, tu fais le taïmoum à cause de l'endroit que tu as sauté. Je répète, tu fais wudu normal, quand tu arrives à la plaie, tu la sautes. Ensuite, quand tu termines le wudu, tu vas faire le taïmoum à cause de la plaie. Voilà, tu choisis l'une des deux choses que je t'ai dites. Ensuite, j'ai une question concernant l'état. Bon, maintenant, il reste beaucoup de questions. Je n'ai pas répondu aux questions de la salle. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai une question concernant les termes à employer, comme les personnes non musulmanes. J'ai vu qu'il existe deux termes, à savoir kafiron et mouchrikin. Bon, je commence je vais résumer très vite. Je vais résumer très vite ce qu'elle a dit. Quelle est la différence entre kafir et mouchrik? Est-ce que les gens du livre sont des kuffars ou des mouchrikoun, etc. Moi, je lui dis très simplement, elle doit savoir, cette sœur, que chaque mouchrik est un kafir. Chaque mouchrik est un kafir et non pas chaque kafir est un mouchrik. Chaque associateur est un quoi? Est un kafir. Et non pas chaque kafir est un associateur. Pourquoi? Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui va mettre ses pieds sur le Coran. Il jette le Coran par terre et il met ses pieds dessus. Celui-là, il a fait du shirk. Il n'a pas fait de shirk. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du kofr. Celui-là, c'est un kafir. C'est un kafir, mais ce n'est pas un mouchrik. Et tout mouchrik est un kafir. Ensuite, tu devras savoir une chose très importante, c'est que Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran, ça c'est très important, Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran, s'il emploie le mot mouchrik, il dit mouchrikoun, ce n'est pas les chrétiens et les juifs. S'il dit mouchrikoun, ça veut dire qu'il est en train de parler des Quraysh, ceux qui ont adoré les statues. Il est en train de parler de Abu Jahl et les autres. Il les appelle mouchrikoun dans le Coran. Et s'il veut parler des autres, il les appelle Ahl-Kitab. Ahl-Kitab. Donc Allah a fait la différence entre Ahl-Kitab et entre le Mushrikoun dans le Coran. Si tu lis seulement le Mushrikoun, s'il dit les deux, il y a un verset où il y a le Mushrikoun et il y a les gens du livre, ça veut dire le Mushrikoun, c'est les Arabes, ceux qui ont adoré les statues. Mais si il y a un verset où il y a seulement le mot Kuffar, ça veut dire rentre à l'intérieur, rentre ceux qui adoraient les statues, les Arabes, et rentre les gens du livre. Je donne un exemple d'un verset, où Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, par exemple, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, il a dit, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, les kuffars, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ البقرة. Il a dit, les kuffars, que tu les avertisses ou pas, ils vont pas croire. Les kuffars, c'est qui ici? C'est tous les kuffars. Les gens du livre, chrétiens, juifs, et les arabes, Abu Jahl et l'Aklik. Pourquoi? Il a employé le mot kuffar. C'est beaucoup plus vaste. Il a dit encore, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Il a dit, les kuffars, et qui, ceux qui meurent kuffars, ils sont maudits, etc., etc., par Allah et par les anges et les gens. C'est qui kuffar ici? Tous. Les Arabes Abu Jahl, les gens du livre, et les munafiqun, et aussi les hypocrites. Tout ça, ce sont des kuffars. Mais si, s'il fait la différence là dans le Coran, il parle des mouchriquins, et dans le même verset, il parle de Ahl-Kitab. Ahl-Kitab, c'est les juifs et les chrétiens. Les mouchriquins, c'est les arabes. Comme il a dit, مَا يَوُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Regardez ici, Allah a employé Ahl-Kitab et l'employé le mot mouchriquins. Pour dire que Ahl-Kitab, c'est les juifs et les chrétiens, et les mouchriquins, c'est les arabes qui adoraient les statues. Comme il a dit aussi, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ. Regarde, kuffar. Kafaru, qui? مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ. Juifs et chrétiens. Les mouchriquins, les arabes, finari jahannam khalidina fiha, ou les comme charul bariya. Voilà à peu près ce que tu dois savoir en ce sens, inshallah ta'ala. Je voudrais savoir qu'en est-il du mariage avec l'intention de divorcer. Je me marie avec l'intention de divorcer. Car j'ai entendu que les savants tels Sheikh Al-Albani l'ont autorisé. Est-ce que cela est vrai, etc.? Est-ce que je peux le faire? J'ai des problèmes, etc. Le jawab, je ne crois pas sincèrement que Sheikh Al-Albani a autorisé celui-là. Et d'après que je le connais, Cheikh Al-Albani, je ne crois pas que ce soit le genre qui autorise cela. D'après ce que j'ai lu et j'ai entendu ces cassettes. Mais je crois que, on m'a dit, mais c'est pas je crois, mais j'ai lu que Cheikh Ben Baz avait dit cela à l'Ahmatullah. Cheikh Ben Baz et non pas Al-Albani. Mais on m'a dit qu'à la fin de sa vie, il s'est retiré. Il a dit, khlas, yani, ce que j'ai dit là-bas, il ne faut pas le prendre. Wallah alam qu'il a dit cela. Mais je voudrais te dire une chose, barakallahu fik. Comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, il a dit ça s'appelle la trahison. Khuda. Pourquoi? Il a dit lui aussi, est-ce que toi par exemple, tu accepterais que quelqu'un vienne demander la main de ta soeur ou de ta fille? Ta fille, ça fait 20 ans que tu l'éduques, tu l'élèves, 20 ans que tu lui parles du mariage, et voilà que maintenant, quelqu'un est venu lui demander sa main, mais il a donné l'intention que dans une semaine ou là, un mois ou là, il va divorcer. On la lui donne, on fait le hers, mashallah, on invite les gens, on est tout joyeux. Et deux, trois jours après, je ne sais pas, il part dans une autre ville, prend l'avion, il nous téléphone, votre fille est divorcée. Parce qu'il a fait ça juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepterait ça pour son frère, pour sa soeur ou là, sa fille ou là? C'est impossible. Donc le prophète a dit, fais ce que tu aimes aux autres, fais. Personne de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Comme toi, tu voudrais pas qu'on fasse ça à ta soeur, il faut pas, inshallah ta'ala, que tu le fasses aux gens. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit khuda, c'est une trahison. C'est une trahison. Ensuite, il y a autre chose. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit quelque chose qui est bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand quelqu'un est dans un pays ghorba ou là, il veut se marier avec une femme, et quelle est son intention? Il dit, je me marie avec elle, si tout va bien, alhamdoulilah, mais si dans un an ou là, je veux partir dans mon pays, et par exemple, elle ne veut pas repartir ou là, je la divorce. Hada, c'est un zawaj normal et valable. Pourquoi? Tu n'as pas dit, demain, je vais la divorcer ou là, dans un mois, ou là, dès que je vais partir à mon pays, je vais la divorcer. Non, tu as dit, mais si demain, elle veut pas partir avec moi, ou là, elle veut pas quelque chose, ou là, je ne sais pas quoi, je divorce. Hada, inshallah ta'ala, c'est permis. Il y a une grande différence entre ça, et entre aller à la femme et lui dire, on se marie, à demander à ses parents, donnez-moi votre fille, alors que dans sa tête, il se dit un mois ou deux mois, et je divorce, inshallah ta'ala, ou là, une année. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est pour ça que les chiites, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dans leur religion, que si tu ne fais pas le zawaj muta, si tu ne le fais pas, tu n'es pas un drichéet. C'est dans leur religion, dans leur secte, dans leur dogme, dans leur doctrine. Comme nous, al-sunna al-jama'a indana usul, hum, aydan, c'est leur grande usul. Tu dois dire que zawaj muta est valable, sinon tu n'es pas un chiite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent en Amérique, ils vivent en Angleterre, ils ont beaucoup d'argent, ils sont là-bas, des richards, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient avec des Anglaises et des Américaines temporairement. Et l'Anglaise et l'Américaine, elles croient que c'est ça l'islam. Elles ne font pas la différence entre chiites et sunnites. Il y a des musulmans qui ne font pas la différence. Il y a des gens qui ont 30 ans de prière, et ils ne font pas la différence. Ils aiment les chiites, ils te disent chiites, masha'Allah, Khomeini, Allahu Akbar. Nasrallah, dis bon, Allahu Akbar. Ils ne savent même pas c'est quoi la chia la sunna. El Mouhim. Donc, ils se marient avec des femmes là-bas, des Anglaises, des Américaines, juste le temps de faire des études, une année ou deux années, ensuite ils lui donnent un coup de pied. La hawla ou la quwwata illa billah. Ensuite, l'Américaine et l'Anglaise, qu'est-ce qu'elle va dire? A'oudhu billah min al-islam. Elle va dire, c'est ça l'islam, hein? On me dit islam, c'est ça l'islam. Et khadda'in, hein? Et comment qu'on dit khadda en français? C'est ça l'islam. Leur islam, il est très mauvais, cette religion. Donc ils font fuir les gens de quoi? Ils font fuir les gens de l'islam. Parce que elle, l'anglaise, est un traître, voilà. C'est ça, hein, l'islam, il dit, soyez des traîtres. Il n'y a pas un grand traître comme les musulmans. Comme ça qu'elle va penser, parce qu'elle croit que celui-là, il représente l'islam. Elle ne sait pas qu'il représente une des sectes les plus égarées du monde. Une des sectes les plus égarées du monde. Ensuite, j'ai terminé. Je travaille dans un service où nous arrive de trouver des objets comme des disques de musique, films, etc. La question est de savoir si je dois les détruire parce que c'est des choses haram ou dois-je les rendre? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, alayhi rahmatullah, quand c'est quelque chose de haram et que tu peux détruire sans que ça te donne une fitna, fais-le. Tu rentres dans un endroit où tu trouves quelque chose de haram et tu peux enlever cette chose de haram, je dis bien sans fitna, sans qu'on te prenne, on te mette les menottes, sans qu'on te prenne en prison. Quand tu enlèves quelque chose sans que personne ne sache, il a dit ça, tu peux le faire. Pourquoi? Tu es en train d'enlever le haram, tenha al munkar. Donc toi, si tu peux détruire ces choses sans que ça t'arrive des machaques et des problèmes, car si tu vas rentrer dans de grands problèmes, l'islam interdit d'enlever un petit problème pour rentrer dans un grand problème. Mais si tu ne rentres dans aucun problème, ne les donne pas, détruis-les et jette-les, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, je m'excuse pour ce retard, c'est vous qui m'avez écrit et je devais vous répondre. On commence, inshallah ta'ala, avec notre frère Mystery. Tafadhal, inshallah ta'ala, barakallahu fik. Mystery. Salam alaikum ya Sheikh. Comment bien faire la salat istikhara? Barakallahu fik. La salat istikhara, pour bien la faire, tu attends le moment où tu sens dans ton cœur que tu as, yani, ton cœur est avec toi. Ne fais pas que dans ton cœur, yani, loin, tu sais pas ce que tu dis, etc. Quand tu sens que dans le halawa, tu sens que tu es prêt, tu choisis entre les deux. Certains choisissent les deux et se trompent. Ils se disent, Allah, par exemple, il veut demander la main de deux femmes. Il fait la prière d'istikhara pour les deux. Allah Ta'ala choisit moi entre celle-là et celle-là. C'est pas comme ça. Tu choisis une et tu fais l'istikhara, la consécration pour elle. Si ça marche pas ou là, tu fais pour la deuxième istikhara. Ensuite, istikhara, tu peux la faire après n'importe quelle nafila. Pourvu que ça soit pas salat fard. Après n'importe quelle nafila, même si tu fais une ratiba par exemple, rawatib, tu fais deux, et tu dis en même temps, après ces deux, je vais faire l'istikhara. Et l'istikhara, tu dois apprendre le doua qu'on dit. Tu dis pas des choses de ta tête. Tu connais pas le doua, quand tu termines, inshallah, les deux prières, tu dis salam alaikum, tu prends le livre, et tu lis le doua qu'il y a à l'intérieur. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, on peut dire le doua avant de dire salam alaikum. Il a dit, l'istikhara, ça se fait à l'intérieur de la salat. Avant de dire salam alaikum, tu fais le doua. Mais tous les autres, moi je suis convaincu du deuxième, de tous les autres, qui disent que tu le fais après salam alaikum. Tu dis salam alaikum et tu le fais. Wallahu ta'ala a'lam. Les sœurs, très loin, est-ce qu'il y a pour une sœur? Oum Abd al-Rahman a dit, salam alaikum, si un croyant va aller en enfer, peu de temps, mais pas éternellement. Dans sa tombe va-t-il voir l'enfer ou le paradis? Je répète, salam alaikum. Si un croyant va aller en enfer, peu de temps, mais pas éternellement. Dans sa tombe va-t-il voir l'enfer ou le paradis? Barakallahu fik, Oum Abd al-Rahman, pour cette question, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Chaque personne doit voir les deux. Chaque personne doit voir les deux. Mais ta question veut dire, est-ce qu'on lui commence par le paradis ou on lui commence par l'enfer? Parce que chaque personne va voir les deux. Mais je pense, je dis de ma tête, Wallahu alam, je pense qu'on lui commence par l'enfer, parce que c'est un croyant. Ensuite, on lui dit, voilà, tu vas aller au paradis. Mais, bien sûr, après, il aura même le supplice de la tombe. Il y a des croyants qui, même en pleine tombe, ils vont avoir beaucoup de méchakil en pleine tombe. Et ensuite, le jour du jugement dernier, si l'Azab ne lui pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer d'abord en enfer, ensuite sortir pour aller au paradis. Wallahu ta'ala alam. Mais beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils croient, ils se disent que Al-Muhim, c'est d'aller au paradis. Yani, même si je rentre en enfer, hein, j'ai pas mis le djilbab, etc. Al-Muhim, chaque croyant va aller au paradis. Je lui dis, attention, tu te trompes beaucoup. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah. Oh Allah, quiconque tu feras entrer en enfer, tu l'as khiz, yani khlas, tu l'as maudit, tu l'as. Quiconque posera un seul pied en enfer, ça y est. C'est pour ça que nous on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous fasse entrer directement au paradis. Parce que le fait déjà de voir l'enfer, c'est le grand supplice, de la voir. Alors, rentrer pour un jour ou deux jours là, c'est très très grave. C'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver et que nous fasse de ceux qui rentrent au paradis directement sans passer par l'enfer. Amin ya Rabbil Alamin. Ala Ad-Din, tafadhal. Salamu alaikum. Alhamdulillah, il y a de plus en plus d'imams salafis dans les mosquées en France pour le prêche du vendredi. Mais une chose que je ne comprends pas, le fait de dire Amin à voix haute, de lever les mains sauf pour la prière. C'est une bida. Pourquoi les imams ne font pas le rappel là-dessus le vendredi? Ce qui me gêne, c'est qu'ils continuent de prêcher alors que certains fidèles font des bida. Qu'en pensez-vous à la pluie? À la prière de la pluie. Non. En ce qui concerne lorsque l'imam lève les mains et commence à faire des doua le vendredi sur le minbar et les gens lèvent la main et disent Amin, c'est une bida et c'est haram. Pourquoi? Comme a dit un des grands savants, Ibn al-Abidin a dit dans un de ses livres, il a dit, et tous ceux qui lèvent la main avec l'imam et disent Amin, ils ne sont pas loin d'avoir des péchés. Ils nomment Ethimoun. Ils ont des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la bid'a. Donc l'imam ne lève pas la main quand il fait les doigts, seulement dans la prière de la pluie. Mais il dit seulement sans lever la main. Il dit l'Allahumma ighfir lana warhamna, etc. Deuxièmement, c'est pas de la sunna de dire chaque vendredi les doigts. Le prêche du vendredi se termine normalement, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu, et il descend. C'est pas de la sunna comme le font les imams, chaque vendredi il y a des doigts quand ils terminent. Allahumma ighfir lana warhamna, unsurna al-yahoud, tout ça, c'est pas son endroit. Les doigts c'est bien, mais l'endroit ce n'est pas bien, donc ça devient une bid'a idafiyya. Le doua Allah Azza wa Jalla l'aime. Mais la prière du vendredi n'a pas le doua, le prêche n'a pas de doua. Donc quand tu le fais toi, tu as fait une bida qu'on appelle idafiyya. Mais si tu le fais de temps en temps, il s'est passé quelque chose, tu fais sans que les autres lèvent la main, c'est inshallah ta'ala valable. Mais il y a certaines mosquées où on est obligé de le faire. C'est-à-dire que c'est l'État qui t'oblige. Dans certaines mosquées, l'État t'oblige. Maintenant tu me dis pourquoi les imams ne montrent pas, etc. Je ne sais pas, il faudrait leur faire la nasiha, inshallah ta'ala, pour qu'ils montrent quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Umm Sir, tafadhal. Wa alaykum salam, Umm Sakina bint Fatiha. Assalamu alaykum, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner la réponse à ma question sur la aqidat tahawiyya? Si tout le monde vous a envoyé par le conseil que vous m'avez donné. Naam. Je savais pas que je n'avais pas encore répondu à la question. Je dirais, bismillahir rahmanir rahim, wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut d'abord que je réfléchisse, c'était quoi la question? Bon, il y avait deux questions. La première, je me rappelle, pense à la deuxième question. Je pense à la deuxième question. Tu demandes à la sœur de me dire quelle est la deuxième question. La première, c'était la volonté juridique et l'autre. Dis-moi, quelle est la deuxième question? Je l'ai oublié, barakallahu fik. Je parle de... Bon, j'attends qu'elle dise la deuxième question pour qu'elle m'écoute quand je parle. Le temps de donner à Abu Abdurrahman, tafadbal. Je demande à la sœur la deuxième question, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sachant que la hijra est une chose obligatoire. Tu peux me faire la hijra dans un pays yémen, sachant que nos familles s'opposent à ce choix, sans partir ou devant nous dans un pays qui leur provient, sachant les possibilités d'apprendre notre religion sans restreindre. Barakallahu fik. Naam, naam, Oum Abdallah. Jazakallahu khairan. En ce qui concerne, en ce qui concerne le Yémen, wallahi, cher frère, je ne sais pas si c'est vraiment, yani, si ça convient. Tu sais, les gens, par exemple, sont en France ou là, ceux qui vont au Yémen, ah, tu sais, c'est très pauvre, hein, c'est très pauvre. Tout juste, si les gens mangent, c'est bien. Il n'y a rien, ni kada, kada, ni ascenseur, ni rien. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas. Ensuite, il y a les machèques au Yémen. Il y a des gens qui sont armés, il y a kada. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne préfère pas le Yémen. Mais je ne sais pas. Regarde, fais-toi, inshallah ta'ala, la salat istikhara. Et tu vois. Mais le Yémen, je ne sais pas, ça me paraît un peu difficile. Surtout que maintenant, il n'y a pas Cheikh Mouqbel alayhi rahmatullah. Je préfère que, yani, on cherche un endroit où, yani, on joue entre les deux, on joue entre Talib al-Ilm. En même temps, on est bien, yani, matériellement, etc., on est bien. C'est pas, on va, yani. Au Yémen, tu sais, ils vivent, des fois, ils chassent, etc., pour manger. Ils chassent des lapins, des fois, ils rebou le hammam, comment on dit, ils élèvent les poules, etc., pour manger, etc. Yani, c'est pas comme tu t'imagines, hein. Il faut vraiment être quelqu'un de très très fort, hein. Alors, pour quelqu'un qui a vécu en Europe, je ne crois pas que ça va lui être facile, le Yémen. Mais, fin inshallah, la salat de l'istikhara, la consultation, à Allah Azza wa Jal nifta'alik. Non, en ce qui concerne, la volonté juridique et universelle, je voudrais dire à ma sœur que, je résume très vite. Allah Azza wa Jal, quand il veut quelque chose, et il l'a fait, c'est quoi ta question? Vous m'avez pas répondu à ma question. Où est la question? Tu m'as dit, est-ce que je peux aller? Sachant que nos familles s'opposent, ou bien on va dans un autre pays. Je t'ai répondu. Je t'ai dit que c'était difficile d'aller au Yémen. Si tu peux aller dans un autre... Non, si tu peux aller. Pouvons-nous y aller quand même? Tu peux y aller, bien sûr. Pourquoi tu peux pas? Si tu sais que tu résistes et que tu es du genre qui peut tenir. Contre les gris des parents, moi j'ai compris que les parents allaient avec toi. Moi j'ai compris que tes parents allaient avec toi parce que tu as dit... Que ici, sachant que nos familles s'opposent à ce choix, j'ai compris qu'ils voulaient aussi partir vers un autre pays. Maintenant, je comprends que tes familles s'opposent à ce choix. À savoir, yani, qui sont les familles? Si c'est le père et la mère, il vaut mieux que, si c'est ton père et ta mère, il vaut mieux que tu gagnes deux choses. Premièrement, tu choisis un autre pays, non, un père et mère. De préférence, tu vas, inshallah ta'ala, dans un autre pays. Pourquoi? Comme ça, il y a des pays, d'autres pays où il y a l'ilm. Et en même temps, tu as gagné l'obéissance à ton père et à ta mère. À quoi ça sert d'aller dans un endroit où tu vas demander l'ilm et ton père et ta mère te maudissent. Et ton père et ta mère sont contre toi, ils ne veulent plus te parler à cause de maintenant l'ilm, mashallah, j'ai perdu mon père et ma mère. Pourquoi tu n'essayes pas de joindre entre les deux, inshallah ta'ala, Allah Azza wa Jal t'aidera bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne la volonté, j'avais dit qu'il y a la volonté juridique pour ma sœur afin qu'elle comprenne bien, et il y a la volonté universelle. On parle d'abord de la volonté universelle. La volonté universelle, c'est toute chose qui se passe dans ce monde, elle est due à la volonté universelle. Car l'univers appartient à Allah Azza wa Jal, et rien ne peut se passer dans ce monde sans sa volonté qui s'appelle la volonté universelle. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, comme coffre, et zina, et tuerie, et égorgement, tout ce qui se passe sur cet univers, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la volonté de Allah Azza wa Jal universel. Si une chose est faite, khalas, elle s'est faite sur ce monde, dans ce monde, dans cet univers, on l'attache directement à la volonté universelle. Maintenant, si cette chose qui est faite sur cet univers, c'est une chose que Allah Azza wa Jal aime, que Allah Azza wa Jal aime, on dit, cette chose, c'est une chose, cette chose a été faite par la volonté universelle, parce qu'elle existe sur l'univers, elle a été faite, et en même temps, elle a été faite par la volonté juridique, car Allah Azza wa Jal aime cette chose, aime la prière, aime les adorations, aime. Donc toute chose qui se passe dans l'univers, akhlas, elle est faite. Si Allah Azza wa Jal l'aime, il y a les deux volontés ici, universelles, parce qu'elle a été faite dans l'univers, juridique parce qu'il l'aime. Et s'il n'aime pas et elle est faite, on dit elle a été conditionnée seulement par la volonté universelle, parce qu'elle a été faite. Elle existe sur l'univers, mais Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. C'est pour ça que les ulama disent la volonté universelle, elle doit se faire. Quand Allah Azza wa Jal dit à quelque chose, kun fayakun, elle se fait, mais ça ne nécessite pas, ça ne conditionne pas que Allah Azza wa Jal aime cette chose. Allah Azza wa Jal a créé le shaitan et il ne l'aime pas. A créé le shaitan, il lui a dit « kun fakan ». Il lui a dit « soit il a été ». Mais il ne l'aime pas. Donc le shaitan, il est dû à quoi? Il est dû à la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas à la volonté juridique. C'est pour ça que je conclurai, résumerai pour dire la volonté universelle, yani son signe pour la connaître, elle se fait. Si Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il doit se faire. Et deuxième signe, le premier signe, elle doit se faire. Deuxième signe, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal l'aime. J'ai bien compris. Et je lui explique alors quoi? Est-ce qu'elle veut que je lui explique le Qadim? Mais dans le livre, ce n'est pas expliqué pareil, surtout la volonté juridique. Moi je t'explique, Inch'Allah ta'ala, je te donne le résumé de ce que disent Al-Sunnah ou Jama'a. Peut-être dans le livre je t'explique un peu plus difficilement, mais toi tu dois savoir ceci. Pour la juridique, c'est Allah Azza wa Jal, quand il aime quelque chose. Quand Allah Azza wa Jal aime quelque chose, c'est la volonté juridique qui s'attache. Mais des fois, cette chose, elle peut avoir lieu, elle peut ne pas avoir lieu. Allah Azza wa Jal aime que quoi? Aime que Abu Jahl soit musulman. Aime cela. Mais Abu Jahl n'est pas devenu musulman. Donc, c'était une volonté juridique, c'est tout. Car si Allah Azza wa Jal avait voulu que Abu Jahl devienne musulman, il aurait dit soit musulman, il le serait. Donc, ça aurait été une volonté universelle. Mais c'est resté une volonté juridique. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal aime ceci, mais il ne s'est pas fait. Là, je n'ai pas voulu le faire pour des sagesses hikam que lui connaît. C'est pour ça que je vais te dire un exemple qui contient quatre choses. J'ai dit cet exemple la fois passée. C'est avec cet exemple, inchallah ta'ala, qu'on comprend. Regarde, par exemple, ce qu'ont fait les kuffars, ce qu'ont fait comme shirk, comme kuffar, et tous les péchés qui ont existé sur terre, tous les péchés, les zina, l'alcool qui a été bu, je parle des péchés qui ont été faits. Cela, c'est par volonté universelle. C'est par volonté universelle, pourquoi? Parce que ils ont été faits et Allah Azza wa Jal ne les aime pas. Ensuite, toutes les adorations qui ont été faites, les adorations qui ont été déjà faites, les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières des sahaba, mes prières que j'ai faites. Je parle seulement de ce qui a été fait, maintenant des adorations. Ceux-là, ils sont conditionnés par la volonté universelle parce qu'elles ont été faites et juridiques parce que Allah les aime. Ensuite, les adorations et les prières, ça, qu'on n'a pas encore fait. Le ramadan qui va venir, je n'ai pas encore jeûné. Les choses, le hajj, je ne suis pas encore parti. Les choses que Allah Azza wa Jal aime, mais qui ne se sont pas encore passés. Cela, c'est seulement la volonté juridique. Allah Azza wa Jal aime qu'on fasse cela, mais on les a pas encore fait. Et quatrième chose, les péchés, etc., qu'on n'a pas encore fait. Les péchés qu'on n'a pas encore fait. Cela, c'est ni la volonté juridique, ni la volonté universelle, yani les deux n'ont pas rapport avec cette chose. Les péchés qu'on a encore fait, c'est les deux volontés n'ont pas de rapport avec ces péchés. Wallahu ta'ala alam, et c'est ce que tu trouveras, inshallah, dans la Tahawiyah. Si tu as quelque chose d'autre plus précise, tu me la diras. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Non. En ce qui concerne le Qadim, tu avais parlé de Qadim, si je vois un peu plus haut, tu avais parlé de Qadim. Non. Le Qadim, c'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les ulama ont dit, le chapitre des attributs, ou bien, il y a le bab, le chapitre des attributs est beaucoup plus vaste que le chapitre des noms. Les noms, personne n'a droit d'appeler l'azul d'un nom qu'il n'a pas. Sauf s'il trouve ça dans le Coran ou la Sunna. Mais les attributs, c'est plus vaste. Min bab al-ikhbar, tukhbir an Allah. Tu dis que Allah Azza wa Jalla, par exemple, c'est le Qadim. Mais je ne l'ai pas appelé le Qadim. L'azul, c'est pas son nom. C'est interdit de dire que c'est son nom. C'est pour ça que les ulama disent bab al-ikhbar. Awsa min bab al-sifat. Bab al-ikhbar. Aoussa min bab sifat. Quand on, c'est pas on raconte, nukhbir, quand on apprend à quelqu'un une nouvelle, apprendre à quelqu'un, c'est plus vaste que appeler quelqu'un, que l'informe, barakallahu fik. Informer, c'est plus vaste que appeler Allah par ses noms, ou là, le décrire par des attributs. Car informer, c'est plus vaste. Comme ça disent les ulama. Je te donne un exemple. Allah Azza wa Jalla, par exemple, on dit de lui, ba'in min khalqih. Ba'in, ça veut dire, il n'est pas collé avec son univers. Il est séparé. Allah Azza wa Jal n'est pas inséparable avec l'univers, comme disent Wahdat al-Wujud, comme Ibn Arabi et la clique, ils disent que tout ça, c'est Allah. Sinon, on dit non. Il y a l'univers et il y a Allah. Donc, ils ont fait le mot ba'in. Allahu ba'in. Séparé min khalqih. Ba'in de ses créatures. Alors, le mot ba'in, on ne peut pas dire Allah s'appelle Ba'in, ou là on le décrit, il est Ba'in. On a informé, c'est tout. Pourquoi? Parce que les Mubtadi'a ont dit qu'il était collé, il était inséparable. Nous, les ulama, ont été obligés d'inventer des noms pour dire quoi? Pour contrer les bida. Ici aussi, ils ont employé le mot Qadim, les mots Qadim, pour ne pas dire qu'il y a quelqu'un qui va nous dire Allah Azzawajal n'était pas, ensuite il est venu. On lui dit non, arrête. Allah Azzawajal Qadim, ancien. Mais on ne l'appelle pas ce nom. On ne dit pas c'est un nom, ni c'est un attribut. C'est une information, c'est tout. Le chapitre des informations est beaucoup plus vaste que le chapitre des noms et des attributs. C'est comme ça qu'ils ont dit. Wallahu ta'ala alam. Abu Tissah, tafadlam. Si inshallah tu as des complications, envoie-moi les mails, inshallah ta'ala. Je crois que Abu Tissah n'est pas là. Je crois qu'il n'est pas là. Zanjabila, pose ta question. Y a-t-il une différence entre les Ash'arites et les Karamiyas? Grande différence. Les Ash'arites disent c'est dans le cœur. Et les Karamiyas disent on ne voit pas le cœur, on voit la langue. La langue, ce qu'il a dit. Quand il dit avec la langue, ça y est. Mais ils ont dit le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla verra. S'il a dans le cœur, il va le rentrer au paradis. Mais ici, ils disent, dans ce monde, ce qui nous intéresse, c'est la langue. S'il dit avec la langue, on entend quelqu'un dire, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si c'est dans son cœur, il insulte Allah, il nous dit, celui-là, c'est un musulman. C'est un croyant. Tandis que Ash'ari disent, non, il faut que dans son cœur, il soit croyant. Il faut qu'il atteste que Allah Azza wa Jalla est un. Voilà la différence, Wallahu A'lam. Salam alaikum wa rahmatullah. Si une sœur veut porter le sitar, mais sa mère ne veut pas, comment doit-elle faire? Elle le porte en cachette. Quand elle sort, elle le met. Quand elle arrive à l'immeuble, devant la porte, elle l'enlève. Je ne sais pas comment qu'elle doit faire autrement. Car je ne vois pas comment. Il n'y a pas autre chose. Sa mère ne veut pas, et elle veut, et elle ne doit pas obéir à sa mère. Quand c'est à l'encontre d'un verset ou de quelque chose qui vient d'Allah ou de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste à ne pas le faire devant elle, c'est tout. Et quand elle est loin d'elle, elle le met, Wallahu ta'ala alam. Et quand elle est devant elle ou là, elle met dans son cœur que, dans ce cas, yani, elle est dans la daroura. Elle a pris de madhhab, du madhhab de Sheikh Al-Albani, qui dit que ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas, elle met dans son cœur que elle marche avec Al-Albani quand elle est dans la daroura. Sinon, à chaque fois qu'elle est loin d'elle, elle le met, inshallah ta'ala. Est-ce qu'une sœur a une question? Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu parler que le Coran n'était pas considéré comme création d'Allah. S'il vous plaît, mais simplement comme sa parole. Vous pouvez m'expliquer, inshallah, car je n'ai pas besoin de comprendre ce que c'est barakatuh. Comme création d'Allah. Naam. Ahl Sunnah ou Jama'a, Slim Muslim. Ahl Sunnah ou Jama'a disent, si quelqu'un dit que le Coran a été créé par Allah, il devient kafir. Si quelqu'un dit le Coran c'est une création, il devient kafir. Tu sais pourquoi? Ce qu'il y a dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, moi je suis en train de parler, toi tu es en train de m'écouter. Allah Azza wa Jal parle, et dans le Bukhari et les autres, il parle avec des lettres et une voix. Comme ça, c'est dans le hadith sahih. Des lettres et une voix. Donc, si maintenant tu vas dire que sa parole a été créée, donc ça implique que quelque chose d'Allah a été créé. Tu dis la main d'Allah a été créée, astaghfirullah. Ses yeux ont été créés, astaghfirullah. Sa parole a été créée, astaghfirullah. Sa parole ne peut pas être créée. Sa parole, c'est quelque chose qu'il a dit avec des lettres et un son. Et elle n'a pas été créée. C'est pour ça que toi, tu n'as pas le droit, personne n'a le droit de dire le Coran a été créé. Il dit le Coran, c'est la parole d'Allah, et il n'a pas été créé. Voilà ce que veut dire les ulama. Mais, qu'est-ce qui a été créé, si tu veux, ou l'a inventé? C'est le papier. Le papier avec lequel, yani on a, où il y a le Coran à l'intérieur. Le papier, tu l'ouvres, les pages, etc. Elles ont été faites à l'imprimerie, ça c'est pas de la création. Mais nous on parle de ce qu'il y a à l'intérieur. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve à l'intérieur n'a pas été créée. C'est la parole d'Allah azza wa jal. Voilà ce que veut dire les ulama par là, incha'Allah ta'ala. J'espère incha'Allah ta'ala que tu as compris, sinon fais-moi part incha'Allah, je te réexpliquerai. Tafadhal, une sœur. Salam alaykoum. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro des versets que vous avez cités dans le DAS? J'aimerais savoir dans la salat en groupe pour les femmes, est-ce qu'elles doivent dire Amin à haute voix quand celle qui dirige Amin. Je n'ai pas compris de quel verset tu parles. J'ai donné beaucoup de versets. Tu parlais des versets où les kuffars, etc., Allah Azza wa Jalla leur donne de l'argent, ou bien des versets où le mouchriquine et le kuffar, le mot kuffar et mouchriquine, c'est pas la même chose. C'est pas de quel verset tu parlais. Ensuite, quand une femme dirige la prière, elle dit Amin, s'il n'y a pas d'homme avec eux, elle dit Amin assez fort pour que les femmes entendent. Et les femmes disent à voix haute, Amin, comme ça, quand il n'y a pas d'homme avec eux. Wallahu ta'ala a'lam. Youssef le Médinois, tafadhal. Le temps que l'Ukht me dise quels sont les versets qu'elle veut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne. Non, je ne sais pas quels sont les versets qu'elle demande. Une personne est accusée par un frère d'avoir namima sur elle. Cette personne nie ses accusations fermement et dit au frère accusateur de lui ramener le rapporteur ses accusations pour confrontation. Non, peut-il refuser de rapporter ce frère accusateur Fisharia? Peut-il refuser de rapporter ce frère aux accusateurs Fisharia? En principe, il ne devait pas croire. Il ne devait pas croire à ce qu'on lui a dit. Car c'est comme ça que vient la namima. Quelle est la preuve que celui qui m'a ramené n'est pas un menteur? Là, je l'ai dit, oui. Et elle lui a dit, amenu, in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Donc, il faut tabayyun. Et tabayyun, c'est quoi? C'est d'aller demander à celui qui a dit. Maintenant, si celui qui a dit nie, dit non, c'est pas vrai, maintenant, c'est à l'autre de donner la preuve que c'est vrai. C'est à lui de donner la preuve. Et il ne pourra donner la preuve que c'est vrai que sauf s'il rapporte la personne elle-même qui a dit « Voilà, moi je t'ai entendu. » Donc si la personne ne veut pas ramener la personne qui a entendu, cette personne elle-même devient une menteuse. Non, la personne elle-même qui ne veut pas ramener celui qui a prétendu avoir entendu, celui-là lui-même devient menteur. Comme a dit l'Azul, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهُمُ الْكَذِبُونَ. Il faut qu'il ramène quelqu'un qui a dit, voilà, moi j'ai entendu, et l'autre il va te dire, oui, c'est toi qui as dit et je t'ai entendu. Sinon, l'autre lui-même est devenu menteur. Wallahu ta'ala alam. Est-ce qu'il y a pour une sœur? J'ai dépassé le temps. J'ai dépassé le temps. Non, j'ai dépassé. Donc j'ajoute encore 2 minutes, Inch'Allah. Tu en vois quoi? J'en vois quoi, Abdullah? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu envoies? Envoie la question, envoie-la. Envoie la question. Et j'envoie la question. J'attends la sœur qui doit me donner de quel verset je parlais pour lui donner les numéros. Est-ce que c'est une preuve? Si son mari se remarie avec une femme, est-ce qu'elle a le droit de faire des doigts pour qu'il ne se remarie pas? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas du co-épouse Barakallahu Fik. Non. De préférence, pour cette sœur, de préférence, il faut qu'elle sache que, bien sûr, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Car la deuxième femme, déjà en arabe, elle s'appelle Dora. Dora, elle vient du mot dar, qui fait mal. C'est impossible, presque rare, qu'il y ait une femme qui accepte comme ça facilement que sa femme se marie. Bon, ça existe, mais c'est un peu difficile que son mari se marie. Je voulais dire que si elle fait les doigts, c'est pas qu'elle dise qu'elle soit contre lui ou là. Le mariage est permis. Elle fait les doigts, elle dit, Ya Allah Ta'ala, yani, si ce mariage, yani, va faire des problèmes, etc., je demande que tu l'éloignes de nous, qu'il va nous faire des problèmes, etc., etc. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à mes soeurs, et je le dis aujourd'hui à mes frères, si vous êtes du genre, je parle des frères, si tu es du genre qui veut se marier la deuxième et la troisième et la quatrième, et si tu pouvais la cinquième, le jour du mariage, le jour où tu vas faire l'acte, tu dis aux parents, tu dis exactement à la femme, il faut qu'elle t'entende. Moi, je te dis dès maintenant qu'il est possible que je me marie la deuxième, la troisième. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Là, tu la fais comme condition. Si elle t'a dit j'accepte, si maintenant elle n'accepte pas, khlas. Donc qu'elle prenne ses affaires, elle aille à sa maison. C'est sa faute. Pourquoi a-t-elle accepté donc le mariage? La même chose pour les sœurs. Soyez, yani, prenez dès maintenant yani, cette nasiha. Maintenant, quand tu es sûr, tu es du genre qui n'aime pas que ton mari se remarie, quand il vient faire l'acte, tu lui dis, écoute, moi j'ai comme condition que mon mari ne se marie pas. Parce que c'est halal que je demande cela, c'est pas haram. C'est halal. Toi, c'est halal pour toi de te marier quatre, je t'ai dit, seulement ne fais pas ce halal, comme je t'ai dit. Pour moi, ne mange pas les pommes. À cause de moi, ne mange pas les bananes. C'est la même chose. À cause de moi, ne se marie pas une deuxième fois. Maintenant, s'il accepte, khalas, il ne peut plus se marier une deuxième fois. Et pour les autres, ceux qui se sont mariés, il jahiliya, non, pour les autres maintenant, khalas, maintenant, il essaye de la convaincre. Il essaye de la convaincre. J'ai déjà dit que s'il veut se marier, une deuxième femme, il n'était pas obligé de lui demander son avis. Les ulama ont dit cela, mais ça peut être difficile. Il peut avoir des enfants avec la deuxième et la première ne sait pas. Ensuite, son vrai fils avec la première, il peut aimer sa soeur parce qu'il n'a jamais su que son père s'est marié avec une deuxième. Il peut connaître la fille, l'autre fille, et il l'aime, il peut même se marier avec elle. Pourquoi ils ont caché ce mariage? Sa femme n'a jamais su qu'il était marié, etc. Ça devient très grave. C'est pour ça que vous essayez de convaincre. Si vous ne pouvez pas, Allah. Essayez de lui acheter des oiseaux. Un peu d'or et un peu de bagues. Peut-être qu'elle va accepter. Hein? Un peu. Essaye. On ne sait jamais, peut-être que ça va marcher. Je suis sûr que ça ne va pas marcher. Tout marche, tout marche. Tout marche, sauf pour la deuxième femme, non. Hein? Tout marche. Sauf si c'est une deuxième femme, on n'accepte pas. La hawla wa quwwata illa billah. Pourtant, vous savez, mes soeurs, pourtant vous savez que il y a des soeurs comme vous, qui ont besoin de mariage et qui n'ont pas trouvé. Pourquoi vous n'aimez pas à vos sœurs ce que vous aimez à vous-même? Pourquoi vous ne dites pas, je vais le faire en la cause d'Allah. Je vais le faire en la cause d'Allah. Mais attention, hein, Ça ne veut pas dire je vous ai dit de le faire. Je sais que c'est difficile. Celui qui ne peut pas, ce n'est pas la peine yani, qu'il rentre dans quelque chose qu'il ne peut pas. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, je crois qu'on arrête là parce que le temps est déjà passé. Et pour les premiers versets. Pour les premiers versets. Je crois qu'elle parle de... Dis-lui seulement si elle parle de... Quand je parlais de la richesse, etc. Dis-lui si elle veut cela. Quand je parlais de la richesse, etc. Dis-lui, c'est de cela qu'elle parle. Akhi Youssef. Jazakallah khair. Chauffe comme il y a de gens qui attendent après toi. Chauffe. Tu as posé toi deux questions. Eux, ils sont en train d'attendre. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Laisse Inch'Allah demain. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, et même toi, Inch'Allah ta'ala, écris-moi cette adresse. Écris-moi cette adresse. Je commencerai demain, Inch'Allah, par vous. Comme j'ai commencé aujourd'hui par les autres. Je commencerai demain, Inch'Allah ta'ala, pour vous, par vous, comme ça, directement, Inch'Allah ta'ala. Pour les versets, elle écrit Surat al-Mu'minun. Surat al-Mu'minun. Surat al-Mu'minun. Je vais chercher le numéro du verset. Surat al-Mu'minun. Verset numéro. Verset 55. Verset 55. Zanjabila écrit verset 55. Surat les croyants, ou bien Mu'minun. Naam. Et ensuite, Surat. Attends, je vais voir. An-Nisa ou Ali Imran. Ensuite, Surat 178. Pardon, verset 178. Verset numéro 178. Surat Ali Imran. Ali Imran. Verset 178. Surat Ali Imran. Demain, inshallah ta'ala, on va parler du hadith, Sahih al-Jami' Sheikh al-Albani, ala rahmatullah. Et ensuite, demain, inshallah ta'ala, je pense, Allah ta'ala, alam, vous donner l'emploi du temps officiel. L'emploi du temps officiel, ou bien, au moins, l'emploi du temps du mois de juillet, inshallah ta'ala. Pour vos questions, inshallah ta'ala, vous m'envoyez à mon adresse, celle que j'ai écrite ici, ibntaymiyah@hotmail.com. On se rencontrera bien demain à 22h européennes. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.